Running on this lonely road, fill your eyes as they look with mine. Something that attracts my sound, no fear, can you feel the sound? Oh, I won't stop, my dreams are about you and I don't want to wake up now. Le groupe français pour terminer ce Before Party Fun sur Fun Radio. Adrien, tu reviendras à minuit avec, on peut le dire, une exclusivité. Ah oui, une belle exclue mondiale. Le tout nouveau Chainsmokers. Parce que là, vous connaissez le morceau Closer, mais il y a un tout nouveau morceau des Chainsmokers. Je vous le jouerai ce soir entre minuit et 1h. Il s'appelle All We Know. Soyez là tout à l'heure. Pour l'instant, 20h, c'est le Doc et Karel pour Love in Fun. Ah. Oui, on est là. Ah, c'était à nous. Ah bah attends, je savais pas moi. Bonsoir. Bah bonsoir. Tu veux peut-être que on peut vous remplacer si vous voulez. Hein. Non, mais lancez-nous un truc genre le show, tu vois, les auditeurs. On peut, 01 42 48 5000. On peut faire 20h. C'est 8 fois on démarre. Hein. Bonsoir à tous et bienvenue dans Before Party Fun jusqu'à 20h, 19h, 20h. Il est malade là. Alors, le but d'une intro, Karel, c'est qu'on parle pas. Hein. Enfin, attends, mais moi, ça y est, j'étais parti là. Dans la seule émission en France, mixée pendant une heure. Non, mais les gars. Oui, c'est fini là, votre émission. Ah, pardon. Ah, bah, bon, c'est alors, quoi cette cacophonie là? On démarre la nôtre, c'est parti. Salut les mecs. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous et bienvenue sur Fun Radio mercredi soir. Super content d'être avec vous. On va passer toute la soirée ensemble. C'est la libre antenne Love in Fun qui commence sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à nous appeler là au standard. Hein. 01 42 48 5000. Toute la soirée, vous allez venir faire de la radio avec nous. On va accueillir notre auditeur du soir qui sera là toute la soirée. Maël, bonsoir Maël. Bonsoir. Salut. Salut Maël. Maël, t'as 14 ans, t'es de puto. Tu nous écoutes régulièrement toi Maël? Oui. Tu sais ce qui va se passer dans l'émission ce soir alors? Oui. Est-ce que tu peux expliquer pour tous ceux qui connaissent pas Love in Fun, voilà, qui fait Love in Fun? Déjà, il y a qui dans l'équipe, Maëlle? Alors, il y a Doc. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis là, toujours. Doc, Karel et Alice. Ouais, ouais. Hey. Bah, c'est toute une équipe, voilà. Aussi Godefroy à l'AREA, Cassim le producteur branleur, et bien sûr, nos deux acolytes du standard, Guillaume et Cindy. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre dans l'émission, Maëlle? Alors, chaque jour, vous prenez quelqu'un pour co-animer l'émission avec vous, justement. Et là, ce soir, c'est toi. Donc voilà, ce soir, c'est moi. J'ai de la chance. Bah ouais, je suis d'accord. en plus un mercredi. Et donc, bah voilà, on intervient, si j'ai bien compris, on intervient à plusieurs sujets, à ce qui se passe chaque jour, justement, avec vous. Ouais, bien sûr. Bah ouais, c'est voilà. Ça, exactement. Et puis pendant l'émission, on prend plein d'auditeurs. Il y aura l'appel à l'aide, il y aura le défi fallait pas demander, il y aura le chiffre d'Alice. C'est quoi ton chiffre ce soir, Alice ? On va parler des dates, des tâches de naissance, pardon, qu'on a du mal à assumer. Tu sais, des fois un peu mal placées, un peu chelou, des formes, des couleurs, des poils. Voilà. Ah, on vous attend. Il y a déjà de bonnes réactions. J'ai vu sur le Facebook de l'émission. Vous pouvez réagir à tout ce qui se passe pendant l'émission sur le Facebook, bien sûr, Love in Fun, et sur le Twitter hashtag Love in Fun. On va accueillir notre premier auditeur ce soir. C'est Adrien. Il a 15 ans. Bonsoir Adrien. Salut. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut Adrien, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'amène toi ? Moi en fait je vous appelle ce soir, c'est parce que j'ai un énorme souci. D'habitude je suis un super bon élève en cours et tout. Et là je viens de rentrer au lycée et en fait j'ai eu une heure de colle aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as fait ? Parce que en fait je taquinais avec une copine, enfin avec des potes, on était en petit groupe de 5 ou 6. D'accord. Et en fait dans le groupe il y a deux filles, avec une fille avec qui je m'entends super bien. Ouais. Et en fait je lui ai tapé les fesses. Et une prof est passée au même moment. Et elle a pris ça comme un caractère vulgaire, enfin tu vois, comme si je l'avais comme si j'avais fait un truc énorme et puis voilà. Sexiste. Mais alors que c'était une petite vanne et qu'elle était d'accord. Mais oui, enfin voilà, elle voyait aucun inconvénient, elle a même négocié. Ah oui, elle t'avait demandé ? Non, elle ne l'avait pas demandé, mais quand la professeure. Mais quand la professeure est arrivée et qu'elle nous a dit, qu'elle m'a dit oui, t'as pas à faire ça, t'es collé, machin, ma pote, elle m'a défendu. Elle m'a dit, mais écoutez, madame, c'est pas la première fois, machin. En plus, voilà. C'est pas la première fois. T'aurais eu plusieurs heures de colle. Pour une petite main aux fesses. Non, je suis désolé. Attends, mais moi je devrais être choqué parce qu'Alice m'a mis une main aux fesses tout à l'heure. Ah bon ? Je ne crois pas qu'elle t'ait mis une main aux fesses. Je ne crois pas non plus. Si, absolument. Elle a collé sa main sur ma fesse. Je pense, oui, c'est une erreur. Je pense que c'est l'inverse. Elle m'a touché, Doc. J'ai encore la marque. Il me connaît, Doc. J'ai mal. Non, mais attends, c'est un geste machiste et sexiste. C'est vrai. Les mains au cul. Je suis désolé. Et je vais contre ça. Je suis désolé. Alors, Adrien. Oh là là. Mais attends, c'est bien un doigt dans le cul non plus. Non, c'est pas trop. Des objets les femmes. Non mais ça c'est vrai. Mais non, mais attends, une fille arrive. Attends. Une fille arrive, elle te met la main sur les couilles, tu dis quoi ? Ah bah je dis c'est bon. Je dis rien, voilà. Continue, vas-y, fais-toi kiffer. C'est ça le problème. C'est ça. Mais pourquoi ? Mais non, mais je suis désolé, ça se fait pas. Je suis entièrement d'accord avec toi, les mains au cul comme ça dans la rue avec les inconnus. Maintenant, Adrien, c'est peut-être une bonne pote, c'était un petit délire et c'était peut-être pas si grave que ça. Enfin, bref. Oui, sauf que maintenant, j'ai quand même un flip. C'est de l'annoncer à ma mère parce que ma mère est super stricte. Je vais lui dire. Attends, t'es sûr que c'est toi qui vas lui dire, Doc ? Parce que j'ai pas l'impression que c'est de son côté là. Doc, j'ai plus l'impression qu'il faudra lui couper son micro parce que je pense qu'il va enterrer la situation. Non, mais je vais te défendre, il n'y a pas de souci. En revanche, moi, je te parle à toi, mais après, je ne vais pas aller t'enfoncer avec ta mère, tu rigoles ou quoi ? Non, mais. Je dis simplement que. Non, mais voilà, est-ce qu'il y a besoin de dire qu'il y a une heure de colle ? Bah oui, bien sûr. Elle va recevoir un courrier à la maison, donc si je ne lui dis pas, elle va le recevoir par courrier, ça va être encore pire. Motif de la punition, a mis une main aux fesses. Mais ça, c'est collector. Non. Non, sur la feuille que moi j'ai déjà eue, que la vie scolaire m'a donnée, et que d'ailleurs j'ose pas donner à ma mère, il y a écrit sexisme ou un truc comme ça, un terme super dur, quoi. Sexiste, oui, c'est un terme comme ça, mais à ton âge, bon, voilà. On peut pas appeler la fille à qui tu as fait ça, comme ça on l'appelle avec ta maman, tu vois, du coup elle va s'expliquer, elle va dire que c'était pas grave. La fille, non, pas trop, mais ma mère, ça m'arrange. On va appeler ta maman, elle s'appelle comment ta maman ? Stéphanie. Stéphanie, d'accord. Maintenant, je pense que tu vas réfléchir deux fois avant de faire ce geste, c'est pas mal, hein. Mais tu vas lui dire à ta mère, il faut que tu lui dises, il faut que tu assumes. Nous, on est là derrière et on va t'aider. D'accord ? D'accord. Ok ? C'est parti. D'accord. Appelle ta maman, elle s'appelle Stéphanie, elle a 39 ans. Elle fait quoi là en ce moment là ? Elle regarde la télé ? Ouais, elle doit être à la maison, je sais pas trop ce qu'elle fait parce que moi je suis sorti. Regarde Gilles Boulot peut-être. Oui, allô ? Oui, maman ? Oui. Ouais, excuse-moi de te déranger. Okay. On t'attend là ? Oui, je sais, mais voilà, j'ai dû sortir de la maison parce que, bon, je voulais pas t'avouer. Enfin, faut que je t'avoue un truc, mais j'osais pas te l'avouer en face. Qu'est-ce que t'as fait ? Adrien, ne lui dis pas, je vais lui dire. Bonsoir, madame. Bonsoir madame, voilà. Il y a du monde là. Il y a du monde. En fait, on est Fun Radio, on est Love in Fun, et Adrien nous a appelé ce soir parce que voilà, il a été exclu de son lycée ce soir. Non. Il a été exclu. Mais c'est pas possible. Mais non, il n'a pas été exclu du tout. Il a mis le feu dans son lycée. Vas-y, Adrien. C'est Karel, alors il dit toujours des choses totalement. Je dis le pire, comme ça c'est une bonne nouvelle. On va le dire, mais non, ça sert à rien ça. Il a une heure de colle. Une heure de colle, mais pourquoi? Bon, allez, il voulait plaisanter. Il a mangé son caca. Il a mis une main aux fesses d'une fille en plaisantant. La fille était d'accord, mais la prof est passée, elle a pas aimé. Voilà. C'est normal, Adrien. Il est où là d'ailleurs? Parce que Il est là, il est avec nous. J'aimerais bien lui parler tant qu'à faire. Oui. Adrien. Ouais. C'est pas. Je t'ai pas éduqué comme ça. Pourquoi t'as mis une main aux filles en plus au lycée? Mais c'est bon, enfin je veux dire, depuis la sixième, je suis avec elle, je veux dire, c'est pas la première fois que je lui mets une main en fesse, c'est qu'une main en fesse. Comme je disais, j'ai pas mis un doigt dans le cul, machin, quoi. On respecte les filles, Adrien. Je t'ai jamais appris. C'est qu'une main en fesse, je veux dire, la prof, elle l'a mal pris, elle l'a pris comme si c'était du sexisme ou un truc comme ça. Moi, je dis que la prof, elle a eu raison. Pour le coup, t'as pas à faire ça, même avec des copines. On respecte les filles, je suis désolée. Et Adrien, c'est bien, toi. Mais écoute, le prends pas mal. Ta mère, elle t'engueule pas. Elle te dit simplement que c'est des choses qui se font pas. Et moi, je suis assez d'accord. En même temps, voilà, on va pas te mettre en prison. C'est pas dramatique. T'as pas tué quelqu'un. C'est bon. T'as 15 ans à ton âge. Tu t'es fait prendre, mais voilà. T'as 15 ans. C'est pas un drame. On va pas en faire un drame, ton truc. C'est pas dramatique. On en a. Carrel, mais je suis entièrement d'accord. Pire. Oui, voilà. Bon, comment? C'est pas dramatique une heure de colle, hein. Après la prof, ta surprise. Je pense qu'après tu vas réfléchir deux fois. Mais en tout cas, je pense quand même que arriver à la maison, ça va pas se passer comme ça. Pourquoi je pense que la prof était jalouse. Non mais attendez, vous l'avez désapprouvé, vous avez bien fait. Il est puni, il a une heure de colle. Bon, c'est peut-être pas la peine de revenir trop là-dessus. Vous en pensez quoi comme ça? Je pense quand même que faut marquer le coup. La prof a eu raison. Après, c'est vrai que bon, une fois que la prof l'a puni, je vais peut-être pas le punir, mais on va quand même en discuter sérieusement à la maison parce que ça c'est des choses que moi je trouve qu'ils sont pas acceptables. D'accord. Je suis d'accord avec vous, complètement d'accord avec vous, Stéphanie. Sauf que je vous le dis parce que mon métier c'est quand même ça. Je suis médecin, je suis pédiatre. C'est que c'est bien de ne pas les culpabiliser trop, mais de leur expliquer clairement pourquoi ça ne se fait pas. On va en discuter après. Adrien, arrête, là, c'est pas dramatique. T'as le droit d'écouter aussi. Il faut qu'il entende ce que j'ai à lui dire par rapport à ça. Oui, voilà. sans le culpabiliser de manière outrancière. Après, c'est vrai que la prof l'a puni déjà. Donc après, c'est vrai que c'est pas non plus la fin du monde, mais ça ne se fait pas. D'accord, c'est bien, voilà, mais il va l'entendre. Stéphanie, merci beaucoup en tout cas. La nouvelle a été annoncée à Adrien et tu vois, ça se passe plutôt bien. T'auras pas de punition supplémentaire, c'est déjà pas mal. Ok, merci. C'est grâce à vous, parce que sinon, y a pas de souci, Adrien. Tu reviens quand tu veux sur Fun Radio, Stéphanie. Merci beaucoup, Karine. On vous fait un gros bisou, Stéphanie, on vous embrasse très fort. Je vous fais des bisous aussi, à bientôt. Tu peux me permettre de vous mettre une petite main aux fesses en Non, pas de ça entre nous. Allez, tu vas te prendre une baffe, mais direct. Je vous fais un gros bisous alors. Allez, gros bisous à vous, au revoir. À bientôt, c'était fou. Salut, Maxime est avec nous, 15 ans de Contamine. Bonsoir, Maxime. Salut, Maxime. Salut, Karel. Salut, le doc. Salut, Alice. Contamine, salut. C'est où ça? C'est les Contamines Montjoie, c'est en Haute-Savoie. D'accord, ok. Sois le bienvenu à toi. C'est pas loin d'Annecy, c'est ça? C'est ça. Ok, t'appelles pourquoi, toi, Maxime? J'appelle parce que j'ai honte d'acheter des capotes. D'accord, mais putain, maintenant c'est facile d'avoir des capotes, il y a distributeurs et tout. Attends, on va te filer tous les bons plans avec la caisse automatique, tu sais, aussi dans les carrefours. Ça coûte plus cher. Ah, ça coûte plus cher, ouais, c'est vrai. Ouais. On va en parler dans un instant après Mike Perry sur Fun Radio. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me. I can't. Le tube Fun Radio, Mike Perry, The Ocean sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Alors bien sûr, dans l'émission, on est totalement 2.0, hein, comme on dit, hein, puisqu'on est présent partout. On a le Snapchat de l'émission, Love in Fun Radio, le Twitter, hashtag Love in Fun, la page Facebook, la fanpage. Combien on a de fans? Plus de 274 millions, je crois. C'est exceptionnel. Hein. Non mais vraiment, n'hésitez pas à les liker. En plus, vous avez accès comme ça à toutes les photos, les vidéos qu'on vous poste régulièrement pour réagir aux chiffres d'Alice notamment. On en parlera là tout à l'heure. Et puis en plus, on lit vos messages à l'antenne. C'est parti Alice. Un message de Nikita. Je pense que mon grand frère a été adopté, mais je ne suis pas totalement sûre. Est-ce que vous pensez que je devrais lui en parler? Déjà à ses parents. Première étape. C'est pas à lui qu'il faut en parler. C'est à ses parents. S'ils ont les mêmes parents, j'imagine. Bah, je pense, parce que c'est finalement, alors, ils vivent en famille. Je vais expliquer très clairement ce qui arrive souvent, ce qui t'arrive souvent, ce que j'ai constaté. C'est que des gens n'arrivent pas à avoir des enfants. Ils sont dans une procédure d'adoption. Une adoption arrive, et paf, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, la dame tombe enceinte. Voilà. Et c'est comme ça que parfois, dans des familles, tu as un enfant adopté, puis après des enfants. Ce qui peut être un petit peu perturbant. Qui naissent par voie naturelle. Il y a un autre message de Geoffrey qui a des cheveux blancs alors qu'il a à peine 20 ans, et du coup, il se demande si ça veut dire qu'il aurait les cheveux complètement gris d'ici quelques années oui, ou pas. Oui. Ah ouais, donc on peut les avoir très tôt. Ah bah oui. On a un pote à la radio, on embrasse hein, Jérôme, c'est vrai qu'il a les cheveux gris depuis qu'il a 20 ans quoi. Il a pas... Ah ouais, ok. Ouais, ouais. J'allais dire il a pas 20 ans, mais ok. Bah c'est ça, Doc a toujours les cheveux blancs. Hein. Mais dès comme ça. Oui, bah, non, mais moi dès 20 ans, je commence à avoir des cheveux blancs. C'est vrai? Oui. Toi t'es bientôt chauve d'ailleurs, comment tu vis ça Doc? Ah non, à côté de toi, arrête. Toi, t'as vu, j'ai trois fois plus de cheveux que toi. Mais pas du tout, Doc. Toi, t'as rien. On va l'écouter. À mon avis, t'as dû te faire implanter ou t'as dû te faire pour que ça pousse. J'adore. Devant, ça décanille grave devant. Ça, sans déconner, j'ai 28 ans, Doc, arrête tes conneries. Maxime est avec nous. Bonsoir, Maxime. Ans, t'es mort, t'as plus de cheveux. Bonsoir, Maxime. T'as 15 ans, t'es de contamine. Ah, Maxime, toi, t'as des beaux cheveux soyeux, toi, hein, Maxime. Bah oui, bien sûr. Hein, tu mets du Timothée le matin quand tu veux tuer sous la douche. C'est ça. Alors, tu nous appelles pourquoi, mon Maxime? J'appelle parce que j'ai honte d'acheter des capotes. D'accord. Alors, c'est jamais facile d'acheter des capotes, c'est vrai. C'est extrêmement simple. Tu vas dans des supermarchés, là où la caisse est automatique. Et comme ça, voilà. Alors, sauf si y a la mamie d'à côté qui fait « Ah, vous achetez quoi, là ?» Personne ne va te dire ça, quoi. En fait, t'as honte de quoi, Maxime? Sérieusement, tu t'es déjà retrouvé dans une pharmacie à demander... T'as, moi, j'étais tellement fier. « J'aurais des capotes, madame !» Ça voulait dire que j'allais faire l'amour avec une nana, quoi. Tu vois, j'étais content, quoi. Il a commencé à en acheter 3-4 ans avant de faire l'amour. Lui. Ah ben, ça, c'est vrai. Parce que je m'entraînais et tout avec des préservatifs. Mais il y a plein de mecs qui font ça. Ouais, je sais, mais c'est mieux. Il y a une application, Alice, c'est l'application Tube, c'est ça? Ouais, tu m'en avais parlé de ça. Ouais, en fait, tu peux répertorier en fait tous les endroits, tous les distributeurs de préservatifs autour de toi. Donc, tu peux savoir si c'est en pharmacie, distributeur automatique qui peut être plus pratique pour certains qui veulent se cacher. Donc, voilà, ça répertorie toute la cartographie. Je vous le dis quand même, aller dans les grandes surfaces en grande quantité, c'est moins cher. Voilà, hein, comme ça. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, pour le coup, l'application, elle te dit où il y en a dans les pharmacies, où il y en a dans les centres commerciaux. Voilà, si c'est distributeur automatique ou pas. Voilà, dans la rue. Tu connais les caisses automatiques, Maxime? Non. C'est des caisses où tu vas et tu es toi-même, tu es caissière en même temps que. C'est ça. C'est toi qui passes tes articles. Ah, d'accord. Moi, je m'amuse avec le scanner, je fais bip bip. Ouais, c'est vrai. Bip bip. Et tu les passes pas tous. De temps en temps, effectivement, ce qui peut se produire, c'est que ça se bloque et que d'un seul coup, t'as la dame qui est là, qui contrôle, qui est appelé le contrôle. T'as une dame qui arrive et qui va là-bas. Où est-ce que t'as acheté? Franchement, Maxime, sois fier au contraire d'acheter des capotes, tu vois. Ça prouve que tu protèges et que tu veux protéger la personne avec qui tu vas le faire. C'est cool. Il y a une chose certaine, c'est pas comme les vêtements. T'es pas obligé de les essayer devant la caisse. Hein. En plus, tu veux quelle taille? Parce que nous, tu sais qu'on en a plein à la radio. Quand Doc nous les prend pas toutes. Mais qu'est-ce qui te ferait plaisir comme préservatif? Je sais pas. Tu veux les grandes tailles? Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais on va t'enfiler un petit stock de capotes, là, déjà, là, pour commencer, là. On en a, on a des grandes tailles, en plus. Ouais, mais ça, c'est les Cassim, ça. Ah, c'est celle de Cassim. Ouais, c'est les miennes, ouais, j'ai des grandes tailles. Fais voir. Le mec, ça fait 2 ans que je le connais, 2 ans qu'il a cette même vieille capote avec écrit grande taille, et il la ressort, mais, ah, tu vois, et ben tu paries que bizarrement maintenant que tu vas l'ouvrir, il n'y en aura plus jamais des grandes tailles dans son portefeuille. J'achète que ça, c'est moi. C'est son alibi. Ça y est, je l'ai ouvert. Je vois pas du tout en quoi c'est grand. Non, mais c'est la longueur. Et c'est non, vrai, je crois que c'était la largeur. Ouais, faut c'est savoir. La largeur aussi. On m'appelle la canette dans le milieu. Non, mais c'est vrai que t'as raison, Alice. C'est-à-dire que Kassim, lui, juste pour se la péter, il a une capote grande taille qu'il garde dans son portefeuille. C'est la même depuis 2 ans. Donc en c'est fait, ça, depuis que je le connais. Tu touches depuis 2 ans, quoi. Voilà. Et ben là, tu n'en as plus. Mec, c'est fait griller. Maxime, on t'envoie le stock de capotes, d'accord? Ok. Salut, eh ben Maxime. Voilà, comme ça tu seras régalé là en capote. Tu reviens quand tu veux, mon Maxime. Merci. Salut merci à toi. Salut. Bah ouais, avec les capotes à l'intérieur. Tu raccroches pas, on va te filer tout ça. Cool, merci. À bientôt, Maxime. À bientôt. À bientôt. Et Adeline est avec nous. Elle a 24 ans. Elle nous appelle de Milo. Bonsoir, Adeline. Bonsoir. Salut Adeline. Bonsoir Mickaël, bonsoir tout l'équipe. Ah bah oui Mickaël. Il est où Mickaël? Il est sur notre radio je crois. T'appelles quelle radio là? Attends, t'appelles quelle radio? C'est pour faire revanche. Non, attends. Adeline, tu penses que tu es en direct sur quelle radio là? Fun Radio. D'accord, et c'est quoi l'émission C'est... Ah, non mais c'est intéressant, tu vois. C'est-à-dire alors, c'est qui sont les animateurs de l'émission que tu penses écouter là ce soir? Mais c'est Guillaume. Ah oui, c'est ça. Ah oui. C'est ça, mais moi c'est Guillaume. Hein. C'est Guillaume. Et qui d'autre? Mais les acteurs. D'accord. Bon, alors tu sais quoi, t'es en direct sur. Alors, la radio, c'est Fun Radio, d'accord? L'émission s'appelle Love in Fun. Moi je m'appelle Karel, enchanté. Enchanté. Bon, enchanté, bonjour. Et alors je te présente Doc. Salut. Salut. Voilà, c'est un médecin. Il y a aussi Alice qui est là. Salut. Et alors, nous allons t'aider, d'accord? Et quel est ton problème, en fait? T'appelles pourquoi? C'est la revanche de mon ex, en fait. D'accord, tu veux de me venger. Tu veux te venger, d'accord, ok. Ah, ouais. On va surtout t'aider à arranger la situation avec ton ex. Et tu serais pas un peu pompette ce soir? Hein? Non. Ouais. Mais je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, qu'il faut consommer avec modération et même en Bretagne. Voici Soprano en feu sur Fun Radio. Vous êtes tous les bienvenus, c'est Love in Fun jusqu'à 22h. Bonne soirée à tous. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Ça sent le brûlé, ça sent, soir je suis en feu, je suis en feu. Soprano en feu sur Fun Radio. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. Avec l'appel à l'aide, vous le savez, hein, depuis la rentrée, on vous sort de la galère. On essaie de, tous ensemble, avec tous les auditeurs qui réagissent, de trouver des solutions à vos problèmes. Des problèmes, oui. Des problèmes avec des solutions. Ah mais non, mais bien sûr, quand il y a un problème, il y a forcément une solution et on la trouve sur Fun Radio. Oui, et ce soir, on va essayer d'aider Adeline, 24 ans de Millau. Bonsoir Adeline. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir bien. Tout l'équipe. Bienvenue. Alors, à toi. Qu'est-ce qui t'arrive, Adeline? C'est l'appel, j'ai envie de faire revenger mon ex parce que du coup il m'énerve, donc du coup j'ai envie de me venger. On l'appelle alors. D'accord, mais tu t'as quitté? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Et en fait, c'est moi qui l'ai quitté parce qu'il était vénère, il était méchant, à chaque fois il m'engueulait du coup, donc voilà. D'accord, et pourquoi tu veux te venger alors? Parce que c'est toi qui l'as quitté? Parce que du coup, quand au travail, du coup, il parlait à mon dos et du coup, voilà. Donc du coup, Il est au boulot avec toi? Il travaille avec toi? Oui, d'accord. C'est avec moi, oui. Ok, donc c'est chiant au quotidien parce que t'as l'impression qu'il te colle, c'est ça? Qu'est-ce que tu vas? On l'appelle? Tu fais quoi? Tu l'engueules? Tu? Je dirais les vérités. D'accord, oui. Non, mais ce qu'on va faire, Adeline, c'est que tu vas l'appeler, tu vas lui dire que t'en as marre, et nous, derrière, on va lui parler, on va lui dire que ça suffit, quoi, tu vois. Et puis, on va juste savoir ce qu'il en pense, lui, parce qu'on va parler avec lui. C'est ça qui est cool. D'accord? Ok. On appelle Julien, donc, ton ex, qui te harcèle, là, en ce moment. T'es toujours amoureuse de lui? Non. Ah bon? Ah non, elle a quitté. Non, c'est jamais. Oui, c'est vrai, t'as raison, Doc. On appelle Julien, j'ai peur. Allô? Allô, oui, ça va? Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi tu m'appelles à Dinde à chaque fois à venturer l'Armando? Bon, j'imagine que je ne suis pas disponible hein, et je te dirai ça demain ou quand tu te verras. Julien, bonsoir. Bonsoir, Julien. Je prends la parole parce que sinon il va raccrocher, Julien, qui n'est pas disponible. Julien, on te dérange deux petites secondes, t'es en soirée là, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. Alors, en fait, t'es en direct sur Fun Radio ce soir, Julien. Ok, t'es dans Love in Fun avec Doc, moi je m'appelle Karel, il y a Alice et en fait Adeline elle nous a appelé parce qu'elle nous a expliqué la situation tu vois avec toi, voilà vous étiez ensemble, elle s'est séparée de toi et puis pareil que depuis dans son dos tu la traites de dinde etc et elle est pas contente hein, elle est pas contente. Ouais. Elle aimerait bien que t'arrêtes. Bah ouais. Et pourquoi tu fais ça? Mais quoi, c'est tout. D'accord. Non mais c'est pas tout, c'est pas tout. Ils sont bizarres. Hein. Ça se fait pas d'insulter les gens aussi. Oui. Ouais. Ben. T'es d'accord? Ouais. Bon alors tu vas arrêter. Oui. Hein? D'accord. Ça va sinon toi aussi? Bah oui. Ouais. Je me demande si vous parliez beaucoup tous les deux. Non mais Julien, t'es où là? T'es en soirée? Oui, je mange au restaurant avec quelqu'un de ma famille. D'accord, ok. Non, mais tu comprends qu'il va falloir stopper avec Adeline parce que ça le fait pas au boulot, tu vois. Après, tu peux avoir des problèmes et tout. Si elle commence à parler à ton supérieur, tu vois, ça peut foutre la merde, ça, au boulot, ça. Ouais. D'accord? T'es d'accord? Ouais. Fais un petit effort? Ouais. Ouais. D'accord. Eh ben, super. Eh ben, tu manges quoi, là, au resto, là? Un tartare. Ah, un bon tartare. C'est un bon gaulois. Ça ne sort pas. Il mange la viande rouge. Bah oui, bon, Julien, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio, tu seras toujours le bienvenu. Hein. Et vous buvez quoi? Du rouge. Ah oui. Ah. Beaucoup, hein, beaucoup de rouge en ce moment. Hein. Ouais. Hein, il est bon. C'est du bon. Ouais. Du bon rouge. D'accord. Ouais. Ouais, mais c'est pas du côté milieu. Ouais. Ah bah d'accord, ok, d'accord. Là il se réveille, quand tu parles pinard, il se réveille. Ouais, non mais ça fait écho, je comprends rien à ce que vous dites. Ah d'accord, ok. Bah et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le rappelle quand même, hein, qui s'est à consommer. Oui, non, c'est sûr. Avec modération. J'habite à 10 mètres, donc... Ah oui. Ça c'est sûr. Bah oui, mais tu vas pas prendre la voiture. Ah non. D'accord. Je vais au lit. Tu rentres, tu vas au lit, ah, bah, d'accord. Oui. Et tu n'embêteras plus Adeline, donc. Ouais. Ok, bah super. Eh bah écoute, Adeline. Bonne soirée. Ouais. À bientôt, Julien. Et c'était quoi ce truc? Je devais gagner un cadeau. Ah non, ouais. Non, alors ça c'est la technique. Le cadeau, c'est que tu embêtes plus Adeline. Voilà, c'est ça. C'est ton surprise cadeau. Hey, super cadeau, hein. On s'est gâté nos auditeurs. Ah, mais je vais continuer. D'accord. Non. Ah, si c'est ça, je vais continuer. Ah, tu marches au cadeau, toi. C'est-à-dire que si on t'offre un cadeau, t'arrêtes. Ah, bah oui. D'accord. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ah, bah le Galaxy S7. Le Galaxy S7. Tu sais quoi, on va t'envoyer le Galaxy. Toutes les adresses où tu pourras trouver le Galaxy. C'est ça. Tu sais quoi, on va l'envoyer à Adeline et comme ça, si t'es sage, elle te le donnera, d'accord? Ouais. Ok. C'est ça, j'y crois pas. Bah non, mais t'as raison. Ah bah il est pas si naïf hein, quand même. On te la fait pas, toi. Hein. Bon, et Julien, on va t'envoyer un petit cadeau, mais ce sera pas un Galaxy S7. Hein. Je te le cache pas. Hein. Un petit cadeau, d'accord? Ouais, un petit cadeau. C'est l'intention qui compte. Ah, moi je voulais gros. Ouais, et bah t'iras te l'acheter à Carrefour, hein, comme tout le monde. Allez, salut Julien, ciao. Salut. Ça, c'est bon quoi. L'autre il veut un cadeau pour arrêter d'en harceler. Adeline, c'est quoi ce mail-là? Ça va? Et ça va. T'es contente, Adeline? Oui, je suis contente. Et bah voilà. Et bah des gros bisous, ma Adeline. Et par contre, je peux faire une dédicace? Ouais, bien sûr. Vas-y. À tous mes amis qui écoutent, je fais une dédicace de Kim V. La vie au soleil. Bien sûr, voilà. Nous écouterons Kinvé La Vie au Soleil ce soir peut-être dans l'émission. Oui, c'est possible. Gros bisous Adeline. Salut Adeline. Bisous, merci beaucoup l'équipe. Mais je t'en prie Adeline, à bientôt. Et dans un instant, on sera avec Lucille de Sens. Bonsoir Lucille. Salut. Bonsoir. C'est bizarre, j'ai eu l'impression, l'espace d'un instant, d'être dans un rêve. De rêver, de vivre une situation surréaliste. Grave. On est content de t'avoir, Lucille. Ça va, toi? Ça va, et vous? Ok, donc c'est bon, je ne rêve pas. Lucille, tu nous appelles pourquoi? Pour un sexy chocolat. Ah, bah voilà, là, sexy chocolat. On est dans la tromperie, là. Ouais, on est dans la tromperie, tu veux tester ton mec, hein, c'est ça? Ouais. D'accord, parce que tu penses qu'en ce moment, il t'est infidèle. J'ai peur. Je ne sais pas s'il est infidèle, mais je ne sais pas. Mais on va le tester, on va l'appeler, on va lui proposer des chocolats érotiques à offrir à la personne de son choix, comme t'es sa copine. Il doit te choisir. On va le tester en direct dans un instant. Juste avant, ça c'est énorme. Richard Orlinski, Eva Simons, Heartbeat sur Fun Radio Love in Fun. Chasing fireflies, I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will always be a light. Where there's a heartbeat sound. Peace out. Charleski, Eva Simon sur Fun Radio Heartbeat. 20h, 22h. 0142 48 5000. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. 0142 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler chaque soir sur Fun Radio. On est dans une semaine spéciale de lutte contre le cyberharcèlement. On en parle chaque soir sur Fun Radio avec vos témoignages, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, hein, Doc. Oui, absolument, dans le prolongement du harcèlement tout court. Et c'est vrai que c'est un véritable fléau qui conduit certains à passer à l'acte, c'est à se suicider. C'est quand même quelque chose d'extrêmement grave et qui a été nié pendant longtemps. Maintenant, le harcèlement est bien pris en compte. Il y a les numéros verts qui permettent effectivement d'appeler et qui donnent toutes les procédures pour lutter contre ça. On va en parler dès maintenant avec Alexis qui nous rejoint sur Fun Radio. Il a 26 ans, il est de Tours. Salut Alexis. Salut. Salut l'équipe, salut Karel, salut Doc, salut Alice. Bienvenue dans Love in Fun, Alexis. Tu voulais réagir, témoigner sur le cyberharcèlement. Raconte-nous ton histoire. Ouais. Moi, je vais même revenir d'ailleurs sur ce que tu disais, Doc. Le passage à l'acte, ça peut être le suicide, comme par exemple aussi l'envie de tuer. Ouais, l'envie de tuer la personne qui te harcèle, c'est ça? Moi, j'ai subi par exemple deux histoires différentes de cyberharcèlement. Vas-y, raconte. Alors, il y a la première, ça s'est passé il y a à peu près 6 ans, 6-7 ans. T'avais 20 ans, 19 ans, 20 ans. Ouais, voilà. Et je rencontre une fille sur un chat, sympa et tout. On discute pendant presque un mois. Puis une journée, à ce moment-là, il y avait encore Messenger. Ouais. Le MSN Messenger. Ouais, on se souvient avec les Wiz. Et on se met en webcam, tout. Je lui demande de faire des trucs histoire de montrer que c'est bien une personne réelle, pas une personne fictive, une vidéo. D'accord, tu lui demandes pas de se déshabiller, tu lui demandes juste de lever la main, tu vois. Ah non, comme ça, non. Ouais, okay. Je lui ai demandé juste de toucher son nez avec son doigt, de tirer la langue, de faire d'accord. des trucs bêtes. D'accord. Ouais, ouais. Et la fille le fait, impeccable, donc c'était une bonne personne en face. Okay. C'était vraiment une personne. Ouais. Et au bout d'un moment, la caméra a coupé. D'accord. La sienne. Et elle m'envoie de ne plus faire le malin, d'obéir à ses ordres, que maintenant ma tête était dans des images pédopornographiques. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle était prête à diffuser la vidéo sur YouTube ainsi que à pas mal de chaînes d'information en France. D'accord. Parce que tu avais fait quoi toi à la caméra? Bah moi rien. Donc il lui fallait juste un pigeon en fait. Ton visage, en fait, c'est ça qu'elle pouvait foutre où elle voulait. Elle te demandait quoi en contrepartie? De l'argent? Elle me demandait, en fait, de lui envoyer 1500 euros en mandat Western Union à une boîte postale. Ouais. Sauf que, voilà, elle peut faire ça, mais c'est facile de montrer que c'est un montage. Hein. Enfin, voilà. Oui, voilà. Après et ça. Ouais, vas-y. Mais t'as eu peur. Et moi, derrière, j'ai pas vraiment eu peur, on va dire. C'est parce que j'ai quand même un certain self-control de moi-même. Qu'est-ce que t'as fait? Et tout de suite, j'ai commencé à enregistrer toutes les conversations, toutes les informations qu'elle me donnait, je les marquais, j'ai copié, je faisais des screenshots de toutes les discussions. Mm-hmm. D'accord. Et au moment où elle m'a dit, maintenant tu vas à la poste et tu fais le mandat. Je lui ai dit d'accord, mais voilà quoi, il faut que j'y aille, j'ai une demi-heure de route, chose qui était totalement fausse. En fait, c'était plutôt pour aller à la gendarmerie, et quand je suis arrivé à la gendarmerie, ils m'ont dit, mais vous avez presque fait toute l'enquête. Oui, c'est ça, parce que tu avais pris tous les screenshots, etc. Quoi. Voilà, j'avais toutes les informations, et en fait, avec les informations qu'elle m'avait données pendant le mois où on discutait, moi, j'ai fait des recherches sur Internet et toutes les informations étaient cohérentes avec le nom, les adresses. Elle était où? Donc, c'était une personne qui était sur Limoges. Ah, d'accord. La boîte postale se trouvait à Abidjan, se disant que l'argent, c'était pour soigner sa sœur qui était à Abidjan. Bien sûr. Et j'ai ramené toutes les infos que j'avais à la gendarmerie. Elle s'est fait coincer. Ils m'ont dit qu'ils donnaient tout de suite l'information à leur collègue de Limoges qui allait tout de suite aller voir à l'adresse précise. Mais franchement, Alexis, t'as super bien. Non, mais t'as déposé plainte. Ah oui. Donc il y a un procès quand même, a priori. Ah bah, pour l'instant, j'ai pas une nouvelle, donc à mon avis, c'est qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait derrière. Ouais, bah non. Non, mais ça, c'est quand même très embêtant, parce que si effectivement, il dit, oh, tu sais, c'est pas bien ce que t'as fait là, recommence pas. Non, c'est... Voilà, c'est vraiment une escroquerie pure et dure. J'espère qu'elle a été arrêtée. Bah, après, moi, je sais pas si elle a été arrêtée. Ce que je sais, c'est que j'ai dû lui faire, on va dire, une certaine peur. Parce que je lui ai parlé que... Je lui ai bien raconté un gros mytho. Oui, mais si t'as une plainte, je suis désolé. Dans le cas de la justice à la gendarmerie, il y a forcément transmission au procureur de la République qui poursuit et la personne est appréhendée. C'est quand même très grave. Ah bah, moi, après, j'ai eu aucune information supplémentaire derrière. Donc, il y a quelque chose à voir là-dessus. Doc a raison. Normalement, il y a des traces, etc. Alexis, tu nous as dit qu'il y avait deux choses. En tout cas, tu as bien géré cette situation parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu faibles face à cette situation, qui ont honte d'aller porter plainte parce qu'ils se sentent un peu con, ça te fait piéger et qui finissent par donner. C'est faut une vraie arnaque qui se fait. Il faut écrire au procureur. Il faudrait un avocat pour être juste parce que l'avocat, lui, il va démêler. Ouais. Ah, oui. Ah oui. Alexis, tu nous as dit qu'il y avait une deuxième arnaque? C'est quoi? Oui. Vas-y, donc en fait, la deuxième histoire de cyberharcèlement que j'ai eue, c'est je me suis mis avec ma conjointe il y a environ 3 ans et demi. Mmh. Et donc on a eu une fille de 2 ans, qui a 2 ans maintenant. Son ex-petite amie, avec sa nouvelle conjointe, s'est mis à nous harceler, lui comme elle d'ailleurs, à nous envoyer des messages via Internet. Il créait des comptes Facebook avec le nom des amis à nous, donc ils usurpaient les identités. Ils n'hésitaient pas à créer même des noms avec le nom de plusieurs amis qu'on avait dans nos listes. D'accord. Histoire d'essayer de passer inaperçu et il nous envoyait des messages, des insultes. D'accord. Et comment t'as réagi là pour le coup là? Bah, pour le coup, la première fois, j'ai retrouvé le numéro de téléphone du gars, je l'ai appelé. Ouais, parce qu'on n'est pas anonyme sur Internet. Hein. Mais c'est la bonne chose. Oui. Bah, c'est surtout que c'était l'ex de ma conjointe. Non, mais d'accord, donc, mais t'as fait quoi? T'as fait quoi du coup? Qu'est-ce qui s'est passé, Alexis? Je lui ai purement dit qu'il fallait qu'il arrête. Et que sinon, ça allait finir par mal tourner. Et que je risquais de m'énerver ou d'aller à la gendarmerie. Et il a arrêté? Il n'a pas arrêté. Ça a duré 3 ans et demi. J'ai été 7 fois à la gendarmerie qui, au bout des 7 fois, a quand même bougé. Ouais. Et a fait quelque chose pour qu'il arrête, quoi. Ils l'ont bien prévenu, comme quoi il y en avait marre. Ouais. Ça finit par payer, mais j'ai le sentiment que à la gendarmerie, quand tu vas voir pour expliquer que t'as un problème de harcèlement comme ça, que ça peut être un peu compliqué quand même. C'est pas la première fois que j'entends ça. C'est pas compliqué. Je pense que tout le monde ne connaît pas cela et que tu vas parfois dans des endroits qui sont censés connaître la loi, sauf qu'ils ne connaissent pas toutes les procédures. Et que donc, il faut tomber sur des gens et avoir des associations. E-Enfance, par exemple, s'en occupe très bien. Ils ont un numéro vert. Donc, c'est ce numéro qu'il faut faire. C'est le, je sais plus le numéro, ça va me revenir. Ou ça va revenir sous les yeux d'Alice. C'est 0800, je sais pas quoi. Alors, attends, je consulte mes boules spectrales. Je vois un 08. C'est e-Enfance ou NetEcoute que tu veux? NetEcoute, c'est e-Enfance. Alors, NetEcoute, je me souviens que c'était le 0800 200 000. Oui, c'est ça. Je vais revérifier. Ça y est, c'est ça. Voilà. Donc, tu fais ce numéro-là, d'accord? Il a raccroché. Ah non, non, je suis là. Voilà la procédure que je recommande. Bien sûr. Ça, allez vous adresser à des spécialistes qui sont vraiment, qui ont tout ce qu'il faut, des services juridiques, et qui vont vous donner les bons conseils, d'accord? Oui, c'est vrai que la gendarmerie, moi, la première chose que j'ai pensé, c'est qu'ils connaissent rien du tout à ce qui se passe sur Internet. Oui, bien sûr. Non, mais ils ont des cellules spécifiques. Ouais, c'est ça. Mais pas tous. Et il faut pas leur en vouloir. En revanche, il faut probablement avoir ces associations ce numéro que je viens de qu'on vient de absolument qu'on va mettre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur le Facebook et sur le Twitter. Ce sont des numéros importants. Si vous aussi vous êtes comme Alexis, un petit peu victime de cyberharcèlement, n'êtes pas sans des personnes qui sont là pour vous aider, hein. Et nous d'ailleurs, on peut le faire aussi. Si vous êtes cyberharcelé, vous nous appelez au standard 01 42 48 5000. Merci beaucoup en tout cas, Alexis, et dans un instant on sera avec Thomas qui nous rejoint. Il est là, Thomas, ou pas? Il est là. Salut, bah alors, tout le monde. Thomas, comment ça va, toi? Bah, ça va, et vous? Bah, super bien. On va faire le défi Fallait pas demander avec toi. D'accord.

sans faire de bruit. Aisance et élégance, yeah. Elle perturbe mes sens. Cause we keep it low and take it slow. We keep it on, don't you go. When I call your name and say hey babe, elle me tourne le dos, je cherche mes mots. Je m'avance vers elle, je tombe de haut. Elle est idéale, quand je rêve d'elle. De 48 5000. Love Fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. C'est la seule émission en France où vous avez la parole tous les soirs sur Fun Radio. C'est des conversations hein, qu'on a avec vous. Vous pouvez vous exprimer librement ici, sans tabou. 01 42 48 5000. Demandez des conseils. Profitez qu'on ait un doc tous les soirs avec nous. Et, ouais. Et quel merveilleux médecin. Bien sûr. Un homme qui va bientôt se marier, je le rappelle, avec sa catoche. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas dit. Bah, bien sûr, mais c'est important. D'ailleurs, ça, on en est où là de ton mariage, la doc là, oh, bah, attends, c'est l'année prochaine. Faut pas exagérer non plus. C'est l'année prochaine. L'année prochaine, ça peut, si c'est en janvier, ça va aller très vite. Ça sera pas en janvier. Non, il faudra qu'il fasse un peu beau. Mais alors, du coup, on va devoir te faire des cadeaux de mariage. J'espère bien. Ah oui. Ah bon, tu sais quoi, on est déjà sur le coup. Hein. Non, mais vraiment. On t'a avec prévu. Carré, ça va être quoi? Ah bah, tu un vas paquet voir. De bonbons. Non, mais ça va pas ou quoi? Ah. Arrête. Non, mais franchement. Il va te rendre ton café. Pour les grandes occasions, je sais régaler. Je te le dis tout de suite. Tu seras pas. Tu seras pas mécontent. Bien sûr. Les jeux auxquels ils jouent plus. On va s'en occuper. Ah oui, t'imagines, je vous offre un jeu Xbox 360. Les vieilles cartes Pokémon. C'est ça. Ouais, bien sûr, j'ai un petit Dracolos là. Tu vas être vraiment content et ravi avec Katoche. Allez, on va accueillir Jessica, mais juste avant, on va lire surtout vos messages là sur les réseaux sociaux. Le hashtag Love in Fun, la fanpage de l'émission Love in Fun sur Facebook, Alice. Un message de Yatogami sur le hashtag Love in Fun. Et coucou la famille, je vous écoute en rentrant du basket. Encore une bonne soirée avec vous. Et un autre message de Pauline. J'avale toujours mes chewing-gums. Est-ce que ça peut être grave pour ma santé? Non, a priori, c'est pas grave. Bon, bref. On peut avaler ses chewing-gums, y'a pas de soucis quoi. Maëlle, notre auditeur du soir, t'es là Maëlle? Ouais. Ouais Maëlle, est-ce que toi aussi t'as un petit message, là, un truc que tu veux dire là, dans toute la France ce soir? Oui, alors moi c'est à propos des célébrités. Oui. Donc en gros, bah, déjà mon parrain, vous devez tous connaître Bambi Cruz, non? C'est un rappeur. Bambi Cruz, c'est ton parrain? Ouais. Bambi Cruz, putain, c'était une star dans les années 90 lui. Ouais bah c'est ça. Et sinon du côté de mon père, bah en fait c'est, on va dire, le meilleur ami de mon père. D'accord. MC Solar. MC ah oui, Solar. D'accord. Bien sûr. Ah oui. Attends, c'est une référence dans le rap à l'époque. Et ça l'est toujours d'ailleurs pour beaucoup de rappeurs. Il fait pas. Ouais. D'accord, voilà. Maëlle. Donc tu voulais leur passer une dédicace ce soir? Bah ouais, dédicace à eux. Ensuite, bah dédicace à mon père qui m'écoute. Ah d'ailleurs, j'ai un petit message à passer à Doc. Vas-y. Alors, 2 secondes que j'avais mis petit message. Donc, il m'a dit qu'à l'époque, il était passé avec, bah, justement, Doc. C'était 1900. C'était, voilà. C'était à l'époque de. À l'époque, voilà. C'était pas un président, c'était un roi. C'était Louis XIV. C'était il y a longtemps. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, papa? Le Doc a 300 ans, je le rappelle. Et toutes ses dents. Bah, il écoutait l'émission, quoi. Il était fan. C'est ça, hein. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait Doc, Difool et Valérie Benem. Benem. Ah oui. Non, elle faisait les infos. Sur... Ah oui, Valérie Benaïm, bien elle sûr. Elle faisait les flash infos. Ah ben bah voilà, bah on l'embrasse, Valouf. Valouche, tout, hein. Comme on l'appelle. Je dis tout. Jessica est avec nous. Bonsoir, ma Jessica. Salut. Salut, Karel. Salut, Ali. Salut, Doc. Ouais. Salut, Jessica. Tu nous appelles de Manosque. Tu as 26 ans. Oui, c'est ça. Ah, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone, Jessica. Pourquoi tu nous appelles ce soir? Bah, j'appelle pour l'apnée du sommeil, pour parler de l'apnée du sommeil. En tu fait. En fais, toi? Oui. Oui. Et alors? Puis 5 ans. Attends, on t'entend pas bien là. Ah non, là t'es... Ton appareil téléphonique est en apnée. Une apnée, oh, du, ouais, téléphone. D'accord. Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Il faudrait pas que tu bouges. Donc, on voilà. T'a découvert ça comment? Parce que tu ronflais beaucoup, t'avais... Non, parce que j'étais très fatiguée. Tu t'endormais dans la journée. Non, même pas. Pas de somnolence la journée, mais par contre, beaucoup de fatigue tout le temps. Donc, on t'a fait une polysomnographie. Voilà, c'est ça. J'explique ce que c'est. Vas-y, Doc. C'est une exploration de ton appareil respiratoire, électroencéphalographique, saturation, tout ce qu'on veut. Bon, mais là, ton l'oxysorsation, c'est comme ça. On te met, en fait, des électrodes partout. Ouais. Et ça permet de voir si, pendant le sommeil, tu as des perturbations d'oxygénation. Ça, c'est compréhensible. D'accord, bien sûr. Okay. Ouais. Et donc, notamment, des hypoxémies, voire des hypercapnies, c'est-à-dire que tu te ventiles mal parce que tu es pendant le sommeil. Et là, du coup, tu as abouti à quoi? Un appareil de pression positive, c'est-à-dire on te met un appareil pendant le sommeil. J'attends justement, j'attends le résultat là, justement savoir si on va m'appareiller ou pas. D'accord, c'est pas encore. Je suis un peu angoissée par rapport à ça. Alors, parce que attends, j'ai 26 ans. Oui, vas-y. Jessica, moi j'ai aussi une question justement parce qu'on parle de l'apnée du sommeil. Concrètement, l'apnée du sommeil, t'es en train de dormir et tu arrêtes de respirer, c'est ça? Respires mal ou tu fais des grosses apnées plus ou moins prolongées. On peut en mourir de ça ou pas? Oui, tu peux toujours mourir. C'est surtout que tu t'oxygènes très très mal. Donc du coup, ton cerveau est mal oxygéné, donc du coup, tu es extrêmement fatigué au réveil le matin, tu transpires, enfin bref, il y a différents troubles qui suivent à ça, où tu as des endormissements brutaux pendant la journée. Voilà. Ah ouais, donc il faut vraiment traiter le coup, quoi. Ouais. Donc l'important, c'est de mettre en évidence avec l'examen que j'ai dit, je répète, je suis désolé pour le terme, polysomnographie. Oui, bien sûr. Et ça permet d'évaluer la qualité du sommeil, de voir s'il y a quelque chose à faire. Et qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils mettent un appareil qui apporte une pression positive. C'est-à-dire qu'en fait, ça évite que les structures respiratoires hautes, c'est-à-dire le nez, la gorge, le cabot, s'affaissent, parce que c'est ça qui se passe. Ça s'affaisse, donc l'air passe plus. C'est pour ça que les gens font comme ça. T'as Doc qui nous imite Dark Vador à l'instant. Tu peux nous le refaire, Doc? C'est des gens qui ronflent, puis à ce coup, ils font comme ça, puis ça passe pas, puis ça finit par passer. Et c'est absolument terrible. Et donc, un appareil qui permet, par cette pression positive, de garder ses voies respiratoires libres et donc de respirer normalement. Et ça change la vie des gens. C'est fréquent, l'apnée du sommeil. L'autre petit conseil qu'on donne aussi, c'est de maigrir éventuellement. Ah. Alors, moi, c'est ça qui est étonnant, c'est que je suis pas du tout en surpoids. D'accord, mais bon, tant mieux. Bon, j'ai un dérèglement de la thyroïde qui peut faire que, du coup, ça appuie sur ma trachée et que voilà. Ah, d'accord. Okay. Donc, tout est lié, quoi. Donc, tout ça, c'est lié à l'appareil respiratoire haut, hein, vous avez compris, le nez et la gorge. Voilà. Moi, j'avais quelqu'un dans ma famille, je me souviens de ça, qui devait dormir parce qu'elle faisait des apnées du sommeil tous les soirs avec un appareil. C'est ça, l'appareil de pression positive. C'est super chaud. Sur le plan érotique, c'est top. Bah, c'est-à-dire que t'as un truc qui te prend tout le visage pour dormir. Exactement, quoi. Tout à fait. Avec ça un appareil à côté de ton lit. Et tout, quoi. Bah oui, mais bon, c'est le prix à payer. Bah écoute, Jessica, on te souhaite bon courage en tout cas, et j'espère que c'est pas trop grave justement, que tu vas éviter d'en avoir un, quoi. Mais si c'est nécessaire. J'espère, c'est un peu angoissant, quoi. Mais ça se soigne en tout cas. Si c'est nécessaire, c'est extrêmement efficace. Voilà. Mais Jessica. Écoute, je te chanterai des petites berceuses avant que tu ailles te coucher. Oui. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, là? Vas-y, dis-moi. Une chanson douce. Une chanson douce que me chantait ma maman. Je fais la suite en antenne, d'accord? Arrête, elle va faire une apnée. Tu chantes bien avec ton nez, en tout cas. Oui. Elle ronfle, elle fait une apnée. Ah bah d'accord, je te fais des gros bisous, Jessica. Merci, gros à tous. Salut, gros bisous. Thomas est avec nous, défi fallait pas demander. Thomas, il nous a dit qu'il allait appeler son cousin. Il est comme ça, Thomas, c'est dans la famille. Le défi ce soir, tu vas l'appeler, tu vas lui demander quoi, Thomas? Je lui ai demandé s'il peut me prêter sa copine pour coucher avec. Ah, ça va être un grand moment, je pense. Et tu sais quoi, je serai un pote à toi pour un plan 1-3, d'accord? Ok, y a pas de problème. On va s'amuser dans un instant avec le défi Fallait pas demander. Restez bien avec nous et on monte le son pour Bob Sinclair sur Fun Radio. la superstar mondiale Bob Sinclair sur Fun Radio. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Le défi fallait pas demander tous les soirs sur Fun Radio dans Love in Fun. On le fait à 21h. Hein. Si vous voulez repartir avec vos jeux vidéo, on vous offre là toute la semaine des jeux No Man's Sky sur PlayStation 4. Il suffit de nous appeler ou faites comme Thomas, 22 ans de Provins en région parisienne, au 01 42 48 5000. Salut Thomas. Salut Doc, salut Karel, salut Alice. Salut. Bienvenue Thomas. Il va falloir que tu poses une question et que tu énerves la personne que tu vas appeler en lui posant cette question. Est-ce que t'es prêt pour ça? Ouais, carrément. Tu vas appeler qui? Mon cousin. Ton cousin, ok. Et alors, tu penses que tu peux l'énerver avec quelle question, toi? Je vais lui demander s'il peut me prêter sa copine pour que je puisse coucher avec. Il y a moyen. Carrément. Il y a carrément moyen que ça parte en couille, cette histoire. Ouais. Eh ben, c'est parti, Thomas. On appelle dessus ton cousin. C'est Kevin, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Ok, d'accord. Qui va être ravi de savoir que le petit cousin, il va se taper la copine. Allez, vas-y. Bonne chance. Allô? Ouais, bon, c'est Tom. Ouais, bien quoi. Ouais, j'ai une question. Est-ce que tu peux me prêter ta meuf, gros, pour se coucher avec elle? Mais ta sœur aussi, vas-y, qu'est-ce que tu veux, toi? Non, mais gros, vas-y, sérieux, s'il te plaît. Mais vas-y, non, mais gros. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, mais gros, vas-y, là, s'il te plaît, ouais, ça reste dans la famille. Oui, et vas-y, maman dans ta gueule, elle va rester dans la famille aussi, non? Non, mais gros, mais vas-y, en plus, sérieux, je couche plus trop avec la mienne en ce moment, tout ça, donc il y a moins que tu puisses me dépanner. Je m'en bats les couilles de sa vie, mais vas-y, ferme ta gueule. Je suis avec un pote à moi, il est chaud pour faire un plan à trois en plus. Eh hey, vas-y, hey, mais la tête de ma mère, mais viens avec ton pote, la tête de ma mère, je vous attrape trouvé tous les deux, bande de fils de pute. Mais tu me prêtes ta meuf, la putain de ta mère, ferme ta gueule, vas-y, dis-moi. Faut pas s'énerver comme ça. Ta gueule. Mais gros, vas-y, c'est bon. Vas-y, ta gueule, vas-y, ferme ta gueule. Et la tête de ma mère, je vais te baiser, vas-y, je viens là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? Il a un problème, bâtard. Il est énervé. Il est énervé, il est pas d'accord. Non, il est pas trop d'accord. T'as un problème? Vas-y, passe de moi, je vais le convaincre. Et ta sœur, hein? Allô? Eh, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est toi un cousin? C'est qui? Moi, je suis Yannick. Je suis Yannick, celui qui va niquer ta gonzesse. Ouais, vas-y, moi, je vais niquer ta race, bâtard. Ouais. Je vais t'attraper, je vais te niquer tes morts. Viens, viens en face de moi, viens chez moi, vas-y, viens. Le prends pas comme ça. La tête de ma mère, je te démonte, viens. Arrête de t'énerver. Ferme ta gueule. Oh okay. Là, t'es vraiment pas cool. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? Vas-y, repasse-moi mon cousin. Dépêche-toi. Ouais, je te repasse. Dépêche-toi. Oh, me parle pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Sinon, je vais défoncer ta gueule. Mais viens, t'exploser. Mais viens, sale bâtard. Champion de Kung Fu. J'espère que t'as des amis. Des mecs comme toi, j'en bouffe tous les jours. Self-control. Self-control, ne t'énerve pas, sinon tu vas le tuer. Ferme ta gueule. Et moi, je peux tuer un gars avec deux doigts, on parle pas comme ça, quoi. Viens, enculé. Et tu sais quoi? Et je vais te repasser ton cousin. Et la prochaine fois, si tu me parles comme ça, quand on va se rencontrer, fais bien attention. Mais vas-y, mais pas de galère, poto, pas de galère. La tête de ma mère, je t'attrape. Regarde, parce que moi, j'ai des pouvoirs. Mais t'as des pouvoirs, le pouvoir de mettre dans le cul de ta mère, bâtard. J'ai des pouvoirs. Je peux soulever tes couilles à distance. Ouais, ferme ta gueule, espèce d'enculé de ta race, va. Je te repasse ton cousin. Ouais, espèce d'enculé, vas-y. Ouais, fais attention, sinon je soulève tes couilles à distance. Ferme ta gueule. Mes couilles, je vais te les poser sur ta tête, enculé. Allô? Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? Vas-y, t'es où? La tête de ma mère. Écoute-moi bien. J'espère que t'as bien compris, parce que je vais monter, je vais te sauter. Je m'en bats les couilles. Tu sais où j'habite? Ouais, je sais où t'habites, quoi, méfie-toi que c'est pas une équipe aussi. Mais moi, si on habite, elle va finir. Méfie-toi que c'est pas une équipe. Mais viens, enculé. Viens chez moi, la tête de ma mère, je t'attends avec le fusil. Kevin, salut, c'est Yannick encore. Mais ferme ta gueule, que tu veux, toi. Bon, et je voulais juste te dire qu'en fait, t'avais l'air un peu énervé. Ouais, qu'est-ce que tu veux, et alors? Je souhaite que tu t'excuses auprès de moi et de ma famille, puisque tu l'as insulté. Sinon, je vais faire quelque chose que tu n'oublieras pas de ta vie, quoi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux que je m'excuse de quoi? T'as vu ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu veux que je m'excuse? Sinon, je t'afficherai sur l'antenne de Fun Radio dans toute la France. Oh, les bâtards. Puisque t'es en direct, mon pote. Oh, putain. Kevin. Désolé. Ah, mais Kevin, Hey, Kevin, dis donc. Hey, Kevin, faut pas toucher à sa meuf, sinon le mec se transforme. Ouais. Se transforme. Ah, désolé. Ah, c'est pas grave. Désolé. C'est pas grave, Kevin. Tu sais. Sous le coup de l'énervement, parfois, nos mots dépassent nos pensées. Ouais. Kevin, tu viens de te faire piéger par ton cousin Thomas dans toute la France. Et grâce à toi, Thomas repart avec son jeu No Man's Sky. Bravo! Merci. Il n'y a pas de problème. Et Thomas, bravo. Ouais, t'as assuré. Et c'est surtout Kevin qui était très drôle dans son énervement parce que du coup. C'est un énervé. Ah bah oui, j'ai bien l'impression qu'il ne faut pas trop le chercher sinon. En plus, il va se marier bientôt. Là, ah bah bien sûr. Et c'est vrai ça, Kevin? Ouais, l'année prochaine. D'accord. Et bah, toutes mes félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Et on fait des gros bisous à Stéphanie. Oui. Qu'on respecte et qu'on embrasse très fort. Et merci à tous les deux, en tout cas, Kevin et Thomas. Vous revenez quand vous voulez sur Fun Radio. Pas de problème. Salut Thomas, salut Kevin. Bon, allez, bisous tout le monde. Ciao. Fallait pas demander. Dans Levin Fun. Et si vous aussi vous voulez participer au défi Fallait pas demander, on remet ça dès demain bien sûr sur Fun Radio standard 01 42 48 5000. Dans un instant on sera avec Julien, 18 ans de Lille. T'es là Julien? Je suis là, salut la team. Salut Lillois, tu nous appelles pourquoi Julien? J'appelle parce que j'ai fait mon premier cunis cet après-midi et la mouille c'est dégueulasse. Pourquoi la mouille c'est dégueulasse? On en parle après Sound of Legend, moi j'adore ça. Voici Blue sur Fun Radio. Son of Legend et Blue sur Fun Radio. Love you. 20h, 22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Et soyez tous les bienvenus si vous venez de nous rejoindre sur Fun Radio. Ici on est bien à la cool, on est dans le studio, on est filmé aussi tous les soirs. Vous pouvez voir l'émission en streaming directement depuis l'application à télécharger sur les mobiles, l'application Fun Radio, ou alors en allant sur le site de Fun, funradio.fr. Vous cliquez sur la petite bannière là tout en haut et vous allez tomber sur la webcam de Fun Radio. N'hésitez pas. Et pour nous appeler, c'est le 01 42 48 5000. D'ailleurs, on va accueillir Julien. Il a 18 ans, il est de Lille. Bonsoir mon Julien. Salut. Bonsoir Karel, salut Alice, salut le doc, comment ça salut. Va ça salut. Va bien. Julien, il s'est passé quelque chose aujourd'hui qui t'a retourné la tête. Ah oui, complètement. En fait, aujourd'hui, j'ai couché avec une fille Et elle venait de me sucer, et elle m'a un peu insisté en me disant « Ouais, vas-y, descends, etc. » Et moi, même si j'ai 18 ans, bah, j'avais jamais fait de cuné de ma vie. Ouais. Et c'est vrai que j'étais un peu réticent à la base, et je suis descendu du coup parce que j'avais pas trop le choix, vraiment, je pouvais pas trop refuser. Bah non. Je suis descendu, je commence à lui enlever sa culotte, déjà je me rapproche, ça sentait pas hyper bon, je me suis dit « Bon allez, courage, Julien, tu peux le faire, franchement, allez, courage, tu peux y aller. » En mode Fort Boyard, bon, le mec, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, voilà. Vas-y, attrape la clé, là, à l'intérieur. Et déjà, bon, elle était épilée, tout ça, donc ça, déjà, c'était pas trop mal encore. Oui. Et puis, bah, j'ai essayé, j'ai mis ma langue, et puis là, j'ai eu un haut-le-cœur, quoi. En 15 secondes, même pas, j'ai trouvé un goût dégueulasse. Enfin, voilà. Et en fait, ma question, c'était, est-ce que c'est toutes les filles comme ça, ou c'est juste que la fille, elle avait un petit problème d'hygiène, ou je sais pas, parce que c'était vraiment pas bon. Ça sentait quoi? Oui. Je sais pas, je saurais pas décrire l'odeur, mais ça sentait pas bon, quoi. C'était vraiment, c'était écœurant, quoi. C'était, oui. Peut-être une odeur de pisse, ou je sais pas, mais c'est... Oui, bien sûr. Marché couvert. Tu sais qu'il y a ces endroits-là, c'est comme ça. En même temps, ce que tu décris, je vais te le dire très clairement. Les odeurs passent beaucoup mieux quand t'aimes vraiment la fille. Ça passe beaucoup moins bien quand c'est juste comme ça. Oui, bah après, Doc, tu peux aimer la fille, ça sent pas bon. Oui, alors, pas bon, non, ouais. Les odeurs, tu les acceptes mieux. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et en fait, effectivement, si elle ne s'est pas lavée, tu peux avoir des odeurs d'urine, oui, c'est sûr. Oui. Ah, mais justement, alors, parce qu'à ce moment-là, c'est marrant parce que c'est là que les urines sortent. Ah, bah aussi. Oui, mais justement, là, Julien, tu nous parles d'une fille, alors que généralement, c'est plutôt les filles qui se plaignent de la quéquette du mec. Alice, ça t'est déjà arrivé de tomber sur une quéquette malodorante? Ça m'est déjà arrivé une fois, c'est vrai, et c'était pas... Non, j'ai rien pu faire. Ah, c'est-à-dire que... Bah, je sais pas. J'avais pas de lingette. Ouais, c'est alors ça, en fait. C'est ça. Et puis, en fait, bah non, mais même si j'ai des lingettes, des fois, tu te vois pas forcément dire au mec, bon, bah écoute, je vais passer un petit coup de lingette, et puis après, on verra ce qu'on va faire. Ouais, non, Alice, non. Et toi, Cindy, t'es déjà tombée sur. Putain, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais avec ce truc Cindy, c'est pas son genre. Oui. Non, moi, c'est pas mon genre, mais par contre, je suis tombée sur l'inverse, en fait. J'ai détesté le goût du sperme de mon mec. Ah, ton mec actuel? Non, parce qu'on le connaît, merde, non. Non, pas lui. D'accord, et tu t'es dit, putain, ce n'est pas bon. Ça puait et c'était pas bon. D'accord. Ouais, il y en a certains, c'est chelou. Mais non, mais c'est normal, bon. Il y a des odeurs qui peuvent rebuter, en fait, c'est normal, hein. c'est pas des odeurs habituelles. Bah oui, Julien, c'est peut-être que c'était un mauvais jour, c'était la fin de la journée, c'était à quelle heure Bah, c'était dans l'après-midi, quoi. Enfin, c'est mercredi, c'était l'heure de goûter, quoi. C'était 4 heures, quoi. Attends, parce que là, tu l'as vomi dessus, elle a réagi comment? Non, elle a pas vomi. Enfin, quasiment. Non. Non, tu l'as pas fait, du coup. Elle est surmontée de suite, j'ai eu un petit haut-le-cœur, quoi. Je lui ai fait comprendre que ça allait pas trop. Elle m'a compris, elle m'a regardé. Et puis après, on a fait nos affaires quand même, mais enfin, Bah, la prochaine fois, faudra prendre une lingette. Ah. Ouais, voilà. Une lingette, c'est magique. C'est la solution. Maël, notre auditeur du soir, alors il a 14 ans, Maël, je sais pas. Je pense pas qu'il soit concerné. Mais bah, qu'est-ce qu'on en sait, Doc? Ça se trouve, il a déjà beaucoup plus d'expérience que toi, hein, 14 bien ans. Sûr, je m'en doute. Oui. Maël, t'as déjà une copine, toi? Alors, oui. Enfin, en fait, je vais vous expliquer en quelques mots. Oui, vas-y. Alors, si tu veux, moi, avant, je sortais avec ma meilleure amie avec qui je suis actuellement. Ouais. Et donc, on s'engueulait tellement qu'après, on a décidé de devenir meilleure amie. Et sauf que là, bah, en fait, je l'aime encore. Et elle aussi, j'ai l'impression qu'elle m'aime encore parce qu'on fait que se regarder. Et voilà. Mais c'est quoi le rapport avec la mouille, Maëlle, on était sur un dossier mouille. Hein, et là, tu nous parles de ta meilleure amie. Ah, c'est fleur bleue. T'as jamais fait de cuny, Maëlle? Ah non. Ah d'accord, ok, donc je comprends. Du coup, ça te parle pas. Moi, j'adore ça, faire un cuny. C'est quand même un truc génial. Tu donnes du plaisir à ta copine, quoi. C'est... Je sais pas. Voilà, Doc aussi, il doit aimer ça, putain. Doc, il doit faire des cunis à Katoche. En veux-tu, en voilà, quoi. Je pense que chacun vit sa sexualité à sa manière. C'est vrai que la stimulation clitoridienne peut donner beaucoup de plaisir. Après, il y a des filles qui aiment ou qui n'aiment pas. Pas forcément, les filles n'aiment pas toutes ça. Je suis pas sûr. Ah ouais, Alice, t'aimes pas ça, toi? Ça ne se refuse pas. Ah ouais. Voilà. C'est quand même une chose sympathique. Les roses et les cunis, c'est les choses qu'on ne refuse pas. Julien, ne te formalise pas. La prochaine fois, ça se passera mieux. Peut-être qu'effectivement, elle avait eu une journée un petit peu difficile. Non, mais un petit conseil, va prendre un bain avec elle, justement. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est vrai, c'est une bonne technique. Ouais, le bain, alors? Bah, un petit bain juste avant, hein, et comme ça, vous êtes propre. Dans le même jus. Dans le même jus. Non, on va s'arrêter là-dessus. Merci, Alice. Super, merci, Alice. Salut, Julien. Salut, merci beaucoup. Ciao à toi, le chiffre d'Alice. Dans un instant, tous les soirs, c'est un nouveau chiffre. Ce soir, on va s'intéresser à quoi, Alice? On va parler des taches de naissance que certains ont du mal à assumer. Que ce soit de par leur couleur, leur taille, leur emplacement, voilà. Quels sont les endroits bizarres où vous avez une tache de naissance? Qu'est-ce qu'on vous a déjà fait comme réflexion par rapport à ça? On veut tout savoir. Lâchez vos standards 01 42 48 5000. En attendant, c'est DJ Snake et Justin Bieber sur Fun Radio. We were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. De deux superstars, DJ Snake, Justin Bieber sur Fun Radio. Le chiffre d'Ali dans Lovin' Fun sur Fun Radio. Ah, comme tous les soirs, le chiffre d'Alice. De quoi il s'agit ce soir, Alice? Eh ben, écoute, apparemment, 25% des gens n'assument pas du tout leur tâche de naissance. Parmi ceux qui en ont, bien ouais, sûr. Bien sûr, ça vient d'où, ça, les tâches de naissance, ben, Doc? Ça dépend, ça peut être des tâches vasculaires, ça peut être des grains de beauté, différentes choses. Alors, il y en a qui se traitent quand même, faut pas l'oublier, hein. C'est-à-dire les angiomes plans peuvent se traiter par exemple par le laser. C'est Guillaume, il a ça dans le dos, lui. Non, mais dans le dos, si ça se voit pas trop. Mais c'est vrai que tu as des gens qui ont des taches vasculaires sur le visage. Sur ah oui, comme les taches de vin, tout oui, ça. Oui, ça s'appelle des taches de vin. Sur le cou, bon, évidemment, je suis désolé, mais ils ont bien raison de ne pas assumer. C'est pas très joli, il faut accepter. Donc, il y a des traitements, il faut voir le dermatologue, savoir ce que c'est. Mais on reste pas avec une tache. C'est pas, voilà, ça peut s'enlever aussi. Mais t'as pas répondu à ma question, ça vient d'où le truc? Pourquoi? Ça dépend. Si c'est un angiome plan, c'est un angiome plan, c'est une malformation vasculaire qui existe depuis la naissance. Après, ça peut être un gros grain de beauté, par exemple. Ouais. Ça peut être, alors, les choses plus embêtantes, c'est ce qu'on appelle les vitiligos. Les vitiligos. C'est-à-dire, disons, des gens qui ont par moment la peau complètement sans pigment, toute blanche. Ah ouais, ok. T'as déjà vu ça. Ouais. Probablement dans la rue, hélas, de temps en temps, tu vois des gens qui ont des grosses taches blanches un peu partout. Alors ça, c'est plus embêtant parce que le traitement est plus délicat. Et c'est très disgracieux. Seul le maquillage peut permettre de le masquer. Voilà. Alors là, il y a différentes sortes, hein, il n'y en a pas qu'une. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous appellent. Les tâches de naissance, ça concerne beaucoup, beaucoup de personnes. Pierre est avec nous. Il a 27 ans. Il est Doulin. Salut, Pierre. Salut, Carré. Salut, le doc. Salut. Ça va ? Salut. Salut à toi, Pierre. On a de la tâche de naissance ou pas, Oulin ? Ouais. Alors, bah, toi, vas-y, raconte. Toi. Raconte. Moi, c'est une tâche marron. Ouais. Qui se trouve juste au niveau de l'arrêt des fesses. Elle est isolée, c'est la seule tâche que tu aies. C'est la seule, ouais. T'as une tâche au niveau de l'arrêt des fesses. Ouais. Marron. Elle mesure combien ? Je sais pas, 2-3 cm. Ouais, c'est rien. Alors, quand c'est isolé, ça ne traduit aucune maladie particulière. Si t'en as beaucoup de taches marron un peu partout comme ça, c'est une autre pathologie dont je vais pas parler. Toi, en tout cas, c'est normal et beaucoup de gens sont comme ça. Il y en a au niveau des jambes, au niveau. Bon, alors, c'est un peu disgracieux, mais enfin, ça va. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec cette tâche, Pierre ? Parce que elle est quand même bizarrement située au-dessus des fesses, là. Quand j'étais petit et que j'étais en colline de vacances, quand t'es tout petit, les moniteurs, tu vois, ils vérifient que tu te laves correctement, tu vois. Ah, bah oui. Bah, à chaque fois, ils me demandaient, frotte mieux, tu vois, parce que parfois, il reste un truc, tu vois. T'as des animateurs qui ne sont pas très fins. Ah oui, ils pensaient que c'était un petit peu de caca. Ah, voilà. Et voilà. D'accord. Et depuis. Du coup, t'es obligé de leur dire, non, c'est une tâche de naissance. Ah, et putain. ils insistent en plus. Ah, c'est ça. Non, plus, ils sont un peu. Ouais. Ah, ils sont un peu concons, ouais, pour le coup. Ouais. On va dire les choses comme ça, pour être poli. D'accord. Pierre, qui a une enfance difficile à cause de cette tâche de naissance. Hein. Personne t'a fait les réflexions, genre une fille et tout, qui a découvert ça, elle t'a pas dit. Non. D'accord. Elles ont rien dit. Elles s'en foutent. Et heureusement. Chloé. Ou alors elles l'ont envoyé, elles ne l'ont pas dit en face. Chloé est avec nous aussi. Reste là, Pierre. Bonsoir, Chloé. Bonsoir, tout le monde. Salut. Salut. T'as 19 ans et tu nous appelles de Guingamp. Voilà. Oui, voilà. À Bretagne, en avant Guingamp. Alors, Chloé, raconte-nous, t'as une petite tâche de naissance, toi ? Ouais, j'ai une tâche de naissance en dessous le sein gauche. Ah oui. Et en fait, elle est un petit peu spéciale parce que je suis allée voir un médecin pour. Parce qu'elle ressort vachement. Ouais. Et mon médecin m'a dit que si elle avait été au-dessus de mon sein, eh ben, ça se serait vachement développé, ça m'aurait fait un troisième sein, en fait. La femme aux trois seins. Tu dis, c'est en dessous du sein, c'est un mamelon surnuméraire. Ben ouais, ça fait une espèce de petit téton, c'est trop voilà, bien. Alors ça s'appelle un mamelon surnuméraire. Surnuméraire. Surnuméraire, vous savez dire que non, vous avez deux mamelons avec une gande. Ouais. Voilà, merci. Ah bah voilà, avec elle parle simplement de surnuméraire. En surnombre, quoi. Ah, il y a un peu teubé. Quoi. Bah, toi, ça va, surnuméraire, là, tu nous balances un truc, sérieux. Je suis persuadé que j'étais l'agent des impôts et que j'étais en train de lui demander plus de pognon. Ah bah ouais, on passe à lui. Alors, du coup, Doc, c'est quoi ce troisième sein ? C'est des mamelons en plus, surnuméraires donc, et que les garçons comme les filles peuvent avoir, en général t'en as un ou deux, c'est en dessous des seins. Donc évidemment c'est un peu disgracieux, mais la chose importante c'est que c'est exceptionnel, il n'y a pas de glande mammaire en dessous. Alors, bon, c'est juste heureusement. Oui. Sinon ça fait comme les animaux, 3, 4, ouais. 6 mamelles. Pas mal. Et alors moi, j'ai une question qui me vient en tête, Doc. Ouais, vas-y. Et est-ce que ça existe une femme avec trois seins, par exemple ? Je crois, peut-être c'est possible, ça peut exister, mais en général, il y a deux glandes de mammaires, c'est tout. J'ai pas vérifié ça. Non, et un homme. Tu n'as jamais rencontré ça. Oui. Un homme avec deux sexes ? Non. Non. Ça, non. Sans déconner, ça doit être un truc de dingue. Non, ouais. Ça n'existe pas. Non, non, une pour la semaine, une pour le dimanche. Ouais, c'est déjà pas mal. Et Chloé, sauvée, c'est en dessous du sein ? Oui, moi, c'est en dessous du sein, ouais. Bah, tout va bien, ma chérie. Non, mais chez les femmes... c'est caché, donc c'est bon. Ouais, ça a été un complexe pour toi ou pas ? Bah, ça fait un peu bizarre, parce que ça fait une espèce de petit téton, alors que c'est vrai que quand tu mets juste un maillot de bain, enfin, tu sais, là où on voit ton bide, là, ça fait un peu bizarre, quoi. T'as l'impression d'avoir un petit téton qui sort de là, quoi. C'est mignon. Tu n'es pas la seule à avoir ça. Ah bah attendez. Chloé, attends, il se passe un truc de dingue. Alice vient de me montrer la femme à trois seins. Exactement. La femme à trois. Tu peux montrer à Doc. Elle Alice. S'appelle Jasmine Trideville. Et en fait, elle est née avec une malformation et elle a trois seins. Ouais, elle a trois boobs. C'est tout à fait possible. La glande mammaire, elle va pousser à partir du moment où les hormones sont sécrétées. Donc ça, oui, ça en revanche, c'est exceptionnel parce qu'on n'est pas rencontré, mais des mamelons surnuméraires, c'est très fréquent. Ben voilà, assez fréquent. Et ben on va aussi accueillir. J'en ai vu pas mal. Joyce qui est avec nous. Joyce, 22 ans de Charleroi. Bonsoir Joyce. Salut Joyce. Bonsoir. Salut Joyce. Alors raconte-nous toi, petite tâche de naissance. Oui, enfin j'ai plutôt une grosse tâche de naissance sur la fesse gauche qui ressemble à l'Australie. Ah, ah ça c'est mignon. De quelle couleur elle est l'Australie ? Elle est couleur café. D'accord, c'est une tache café au lait, c'est une grosse tache café au lait. Elle est isolée ou t'en as d'autres ? Non, elle est isolée, mais j'ai beaucoup de taches de rousseur. Mais non, ça c'est autre chose. Écoute, les taches café au lait, c'est connu, à partir du moment où elles sont isolées, uniques en tout cas, il n'y a pas de raison de s'en préoccuper. Il n'y a pas de poils, de pilosité dessus? Non, encore heureux. Okay. Et puis c'est génial, attends, je veux dire... Si, parce que si c'est au niveau du dos, du bas du dos? Non, c'est à ma fesse, carrément. Ah, sur la fesse, d'accord. Non, mais le truc génial, c'est que, en pleine levrette, tu peux réviser ta géographie. Ah, ouais. Voilà, un petit plan sur l'Australie. Quelle capitale de l'Australie? Canberra, attention, ça pourrait être Sydney. Non, tu fais une erreur. Tu vois, il y a moyen de s'amuser en plein rapport sexuel, Joyce. Mmh. On est contente. C'est sûr. Eh ben, merci beaucoup pour ta réaction, Joyce. On te fait un gros bisou. Mais là en plus, il y a pas de solution, mis à part. Ah bah non, mais voilà, c'est tâche de naissance. En même temps, tu montres pas tes fesses à tout le monde. Ah, Alice, y a des réactions sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour Romane, elle a une tâche de naissance en forme de suçon en fait dans le cou et elle l'assume pas du tout parce que ça pose pas mal de problèmes, c'est même au niveau professionnel. C'est pendant un petit angiome. Et June, elle a dans la nuque un truc en forme de tub, apparemment, donc elle le vit pas très bien plus. Ah ouais, mais c'est vrai que ça déforme, quoi, tu vois. Voilà, et pour Marion, elle a une marque, en fait, au-dessus de son œil, et quand elle était plus petite, tout le monde pensait qu'elle s'était pris un coup de fer à repasser, la pauvre. Donc, malheureusement, voilà. Ça, j'ai pas vu, mais bon. Il voilà. y a des tâches plus ou moins faciles à assumer, quoi. Bah, merci à tout le monde, en tout cas, pour les réactions. Dans un instant, on sera avec Charles-Édouard. Alors, attention, Charles-Édouard, il est sapeur-pompier, et il ne ressent, a priori, c'est un truc de dingue, hein, c'est comme un pouvoir ou pouvoir qu'on n'aime pas trop, il ne ressent aucune émotion. Il va nous expliquer tout ça dans un instant. Vous restez bien avec nous. Et en attendant, vous allez écouter l'un des tubes que je kiffe le plus en ce moment. Alors ça, c'est vraiment, vraiment énorme. Montez le son, mettez-vous à l'aise dans une bonne position pour écouter Calvin Harris, My Way sur Fun Radio. My way to say, at least I did it my way. La way to face, but in my heart I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Ce son-là, il est franchement énorme, mythique. Hein. Calvin Harris, My Way sur Fun Radio. Love You Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, Love in Fun. Et n'hésitez pas à réagir à l'émission hein, si vous avez un truc à dire sur le Facebook de l'émission, le Twitter hashtag Love in Fun ou le Snapchat, ajoutez-nous Love in Fun Radio. On va accueillir Charles-Édouard là au standard 01-42-48-5000. Charles-Édouard, 16 ans de Besançon. Bonsoir Charles-Édouard. Bonsoir Karel, bonsoir Doc, bonsoir Alice, bonsoir toute l'équipe. Salut. Bienvenue Charles-Édouard. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Pourquoi tu nous appelles ce soir? Alors je vous appelle parce qu'en fait, en quelque sorte, j'ai le syndrome psychotraumatique. Raconte-nous pourquoi. Ouais. J'ai eu 2 ans de formation jeune sapeur-pompier et là, ça va faire 2 mois que je suis sapeur-pompier au même titre qu'un sapeur-pompier basique. Et mercredi, en fait, ma cousine a retrouvé son oncle avait suicidé d'une balle dans la tête et je suis arrivé 2 secondes après. Et du coup, on a fait le massage cardiaque. Waouh. D'accord. Et il est mort, évidemment. Oui, on l'enterre demain, donc. D'accord. Toi, tu étais présent, donc, quand ça s'est passé, en fait. Il était à côté, c'est ça? J'étais vraiment à côté, parce qu'on habite vraiment une maison l'une à côté de l'autre, et je suis arrivé 2 secondes après, quoi. Vous avez entendu le bruit de la balle, enfin? Non, on l'a pas entendu. Non. En fait, ça devait faire déjà quelques minutes qu'il était là, quoi. Waouh, et ta cousine qui découvre le corps. C'est ta cousine qui a appelé, et. Ma cousine a appelé les pompiers, donc du coup, elle aussi est sapeur-pompier en même temps que moi, et elle a appelé donc les pompiers, et moi, mon bip a sonné. Je suis allé comme d'habitude voir ma cousine, on dit, bah écoute, monte avec moi à la caserne, et du coup, là, j'ai pas eu le temps de dire, monte avec moi à la caserne. T'as vu ton oncle, tu peux nous dire ce que tu as vu? En fait, j'ai vu mon oncle avec ma cousine en train de masser, ma cousine qui criait des cris de détresse, oui. Mon oncle avec, bien sûr, un trou dans la tête, du sang partout, on avait du sang sur nous, quoi, en massant, quoi. Oh. D'accord. Et les autres services sont arrivés ensuite, j'imagine, c'est ça? Ouais, voilà, les secours, le SMUR, le SAMU, tout ça est arrivé après, quoi. Mmh. Le choc que ça doit être ouf quand même, Doc. Et, oui, bien sûr, c'est un choc terrible parce que même quand c'est une rare violence parce que d'abord c'était pas prévu. C'est quelqu'un de ta famille. Quoi, il était malade déjà un peu avant, non? Non, justement, il ne montrait aucun signe. Justement, ça nous a choqué aussi qu'on a su ça. Il rencontrait des difficultés, non? Affectives, professionnelles? Professionnel, en fait, je pense que oui, ça ne devait pas trop lui plaire, son métier. Puis, il a arrêté, quoi. Enfin, à la place d'arrêter, il a voulu arrêter tout, quoi. D'accord, ok. Mais il n'avait donné aucun signe avant qui pouvait alerter sur son état psychique? Non, aucun. D'accord, il a décidé. C'était un homme qui ne parlait pas, en fait. Hein. D'accord. Il ne parlait pas beaucoup, ce qui n'arrange pas les choses. Est-ce qu'il a laissé un mot, quelque chose, quelque part? Oui, il a même pas dit un au revoir, même pas rien du tout, même pas un je vous aime. En fait, il a juste dit, écoute, j'en ai marre, quoi, j'arrête. D'accord, ok. Il a décidé d'arrêter, d'accord. Voilà. Donc, pour toute ta famille, c'est venu un gros traumatisme, j'imagine. Ouais, justement, vu que je suis le seul de lucide, en quelque sorte, en fait, le seul qui n'arrive pas à réagir aux émotions. Ouais. Je pense que je suis un peu le piédestal qui tient toute la famille en pleurs et pour le moment. Oui, enfin, tu sais, les émotions, c'est même quand on est solide, ça aide un peu, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais, en fait, je demande qu'à pleurer, mais en fait, j'y arrive pas. Oui, mais c'est pas parce que tu ne pleures pas que t'as pas d'émotions. Tu peux aussi ressentir. Il y a des choses que tu ressens que tu peux peut-être décrire. Ne pas pleurer. Il faut pas obligatoirement pleurer pour ressentir. Tu les ressens. Bon, donc je les ressens, ça me fait souffrir à l'intérieur, mais je n'arrive pas à les extérioriser. Oui, la seule façon de les extérioriser, c'est faire ce que tu viens de faire, c'est raconter ce qui s'est passé, parler. Tu sais, les émotions, c'est pas que pleurer. Hein. Oui, je sais. Tu es d'accord? Ok. Et t'en parles à qui, justement? J'en ai parlé, toute ma famille en parle, donc automatiquement, vu qu'on vit en famille l'une à côté de l'autre, en fait. Ouais, mais on parlait peut-être à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur, justement, comme tu le fais ce soir avec nous et avec Doc, mais peut-être voir quelqu'un pour en parler, hein, Doc, un psychiatre. Oui, un psychologue. Un psychologue. Et on ne vous a pas proposé de rencontrer un psychologue ou si? Si, je suis allé voir un psychologue, mais le problème, c'est que j'ai l'impression d'être un fou quand je vais le voir, donc je préfère autant rester dans Pourquoi tu as l'impression? Non, mais c'est intéressant, pourquoi tu as l'impression d'être un fou? Il me posait des questions, mais des questions que je trouvais absurdes. Elle me disait, est-ce que c'était sanglant? Oui, c'était sanglant, quoi. C'est pour le coup, c'est un peu con comme question. Non, c'est pas con du tout. Je vais t'expliquer pourquoi. Ah bon? Je vais t'expliquer pourquoi elle fait ça. C'est peut-être maladroit, tu peux lui reprocher ça. C'est-à-dire qu'il s'agit de verbaliser les images, premières images, sources du psychotraumatisme, de pouvoir mettre des mots dessus. Donc dire que c'est sanglant, tu dis, oui, il y avait du sang. Voilà. Et tu le répètes plusieurs fois peut-être. Et tu décris l'image à nouveau. Pour effectivement non pas la gommer, il s'agit pas de ça, mais l'accepter, accepter cela, en sachant que par ailleurs, chose importante, tu as fait ce que tu pouvais, c'est-à-dire tu as tenté de le réanimer, tu l'as massé, bon, et là c'était une plaie cérébrale qui évidemment était fatale. Mais, on voilà, le savait, donc, oui, tu sais, mais c'est bien, mais c'est bien de le faire parce qu'on ne sait jamais, tu sais, parfois tu vois du sang et puis on ne sait jamais ce qui s'est passé. En tout cas, tu as bien fait, tu as fait tout ce qu'il fallait. Mais je crois que l'attitude du psychologue est tout à fait justifiée. Moi, je comprends ce qu'elle fait. Mais bon, voilà, il faut que toi aussi que tu comprennes, c'est important que tu redécrives et redécrives auprès de psychologue ce que tu as vécu. Voilà, d'accord ? D'accord. Voilà pourquoi je pense qu'il est très important que tu continues à voir ces psychologues. Il était important, je le rappelle pour tous ceux qui vont vivre cela, de les voir le plus rapidement possible après le traumatisme, évidemment. Ok ? Oui, oui. Et écoute, on te souhaite beaucoup de courage et les obsèques demain, évidemment, sont très importantes. Ça va être l'occasion de revoir, de reparler de lui. C'est une cérémonie qui me paraît essentielle pour débuter un deuil aussi. Oui. Car il va falloir le débuter. Et la cérémonie est excessivement importante. Ok ? D'accord. Voilà. On te souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Bah, merci. Voilà. Tu reviens quand tu veux, Charles-Édouard, et tu seras toujours le bienvenu ici. Si tu souhaites en reparler, même avec nous à l'antenne, il n'y a aucun problème. Hein. D'accord ? D'accord. Merci du fond du cœur. Bon courage pour demain, Charles-Édouard. Salut. Au revoir. 01 42 48 5000. C'est Ilan, là, maintenant, qui nous rejoint sur Fun Radio. Il a 19 ans. Il est d'Auxerre. Bonsoir, Ilan. Salut Carré, salut Ali, salut Doc. Salut à toi Ilan, tu nous appelles pourquoi ? Alors moi en fait j'ai ma copine donc qui a 21 ans, elle a 2 ans de plus que moi. Ouais. Et genre à chaque fois qu'on passe à l'acte en fait elle est super sauvage quoi, j'arrive pas à prendre le dessus, c'est tout le temps elle quoi. Oh t'as de la chance, on va en parler, en fait tu te fais dominer c'est ça ? Ah ouais mais non mais carrément en fait, c'est tout le temps elle qui a le dessus. À chaque fois je veux prendre le dessus, j'essaie de me retourner ou de la retourner. Ben non, c'est elle qui me remet dans le droit chemin. Je sais pas, je comprends vraiment pas, ça me fait chier. Eh ben on va t'aider à comprendre, Ilan, dans un instant. Reste avec nous en attendant. On va surtout monter le son pour écouter Lost Frequencies, Beautiful Life. Le nouveau Lush Frequencies sur Fun Radio avec Beautiful Life. 01 42 48 5000. Love Fun. 20h, 22h, avec Doc, Carrel et Alice. Sur Fun Radio. Et tout à l'heure, on aura la question de l'internat là, sur Fun Radio. Vous savez que si vous êtes dans un internat, Vous pouvez venir poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas à commencer déjà à nous appeler, on le fera avant la fin de l'émission. 01 42 48 5000, venez représenter votre bahut là ce soir en direct sur Fun Radio. Distribution de capotes pour tout l'internat, c'est cadeau. En attendant, on a Ilan, 19 ans d'Auxerre. Salut Ilan. Salut. Salut à toi Ilan. Ilan, t'as l'air choqué. Ben choqué, mais surtout, enfin ça me déprime un peu quoi. Fort à la longue. Au début ça allait, puis après, enfin ça se dégrade. Raconte, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, ma copine, donc comme je disais, elle a 21 ans, 2 ans plus que moi, et genre elle est vraiment vraiment sauvage quoi. Au lycée, dominatrice, veut... c'est ça. Hein, ouais, voilà, elle veut toujours avoir le dessus quoi. C'est une horreur. Tu peux faire la levrette par exemple avec elle, parce que c'est quand même une position où tu domines un peu la fille. Et non, justement, ça. Parce que elle veut pas que ce soit moi qui prenne les rênes, on va dire. D'accord. Il y en a des personnes attends, comme ça. Mais, voilà. Très bien. Oui, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Ah, vas-y, continue. Ouais, en fait, c'est tout le temps elle qui veut être sur moi, qui dompte la chose. Et voilà. Donc, écoute, moi, je vais te dire, quand on fait l'amour avec quelqu'un, il faut trouver un équilibre. Et il y a des pratiques qui plaisent ou déplaisent et qui procurent des excitations, du plaisir ou du bonheur. Bon, à partir du moment où il y a un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui accepte ce que veut l'autre, ouais, alors que ça ne lui plaît pas vraiment, pour lui faire plaisir, là, elle déséquilibre. Et l'équilibre, ouais, il faut parler. Il faut que tu lui dises. Non, mais c'est sûr. Tu lui as dit ou pas? Bah oui, ça, on en a parlé plusieurs mais fois. Mais elle s'en fout en plus. Mais elle comprend pas, je sais pas. Elle doit avoir un truc que ça doit pas tourner rond dans son petit boulot. Donc, mais c'est pas. Enfin, je sais pas. Doc, il a raison. Il faut varier les plaisirs. Il faut qu'un coup tu domines. Ouais, c'est sûr. Mais bon, il y a des gens comme ça. C'est dur. Attends, je voudrais avoir un autre aspect de son personnage. En dehors des relations sexuelles, elle est comment? Ah, en dehors, enfin, elle est normale, quoi. Une fille gentille, enfin, un bon caractère. T'as des filles qui ont du caractère, qui, voilà, dirigent. En fait, elle est très cool, très sage, gentille, etc. Mais c'est aussi, elle est vraiment, vraiment, enfin, je voudrais pas dire sauvage, ça fait un peu sauvage, mais c'est un peu une tigresse, quoi. Bah, tu dis non. Ah, attends, ouais, si ça te plaît pas, tu dis non, tu dis stop, pas comme ça. Mais bon, quoi. Non, mais elle est plus âgée en plus, donc enfin, je sais pas, moi, ça me fait trop. À quel âge ? On n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression que tu sois très amoureux, en fait. Oui, parce que le problème. Si, pourtant, si, parce que j'adore ça. Enfin, moi. Ah oui, mais attends, j'ai si t'aimes ça, forcément. Elle, enfin, je sais pas, c'est. Oui, mais bien sûr que si t'aimes ça, elle va le comprendre. Elle va le comprendre très vite, donc du coup, elle sait pas. Donc tout ça, si tu n'aimes pas une chose, il faut lui dire. Mm. Et puis que tu vois avec elle ce qu'elle aime, parce que peut-être qu'elle a pas tout dit de ce qu'elle aime. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas quoi faire. Moi, je suis un peu désemparé. J'ai essayé d'en parler plusieurs fois avec elle. Non, mais attends. Essaye. Écoute, et à un moment donné, il faut être clair, quoi. Tu dis non. Tu dis, si on discute pas un peu, on peut pas avoir de relation sexuelle, sauf si tu. Ouais, mais bon, dans un couple, faut aussi qu'il y en ait, parce que j'ai envie de ça aussi. Ilan, ouais. Tu dis qu'elle te domine, mais est-ce qu'elle t'a dit, est-ce que t'aimes ça, ma petite salope? Comment? Est-ce que un jour, elle t'a dit, et t'aimes ça, ma petite salope? Non, mais genre, ça lui arrive de me mettre des fessées. Ah, elle te met des fessées. Elle t'a mis des doigts dans les fesses ou pas? Ah oui, mais les boules de geisha, par contre. Non, ah, mais ouais. Non. Putain, ouais, ah ouais. C'est... Non, mais c'est chaud. Mais t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Parce que là, tu nous dis que t'aimes ça, cool. Au début, dis que t'aimes pas ça. Si, mais j'aime bien, mais pas tout le temps que ce soit elle qui domine, quoi. J'aimerais bien prendre le dessus, j'y arrive pas. On l'appelle. On va lui dire qu'il y en a marre qu'elle te fasse des petites fessées. Ah non, mais là, c'est bon, je vais passer pour un couillon, hein. Mais non, mais non, si, mais non. En même temps, en fait, j'ai compris. Il a tellement de fierté qu'il voudrait pas passer pour un imbécile. Et comme elle semble assez libérée dans sa sexualité, il veut pas donner l'impression qu'il est un peu ringard. Donc du coup, t'oses pas le dire. Mais arrête, c'est pas ça la sexualité. C'est pas une performance, c'est pas les Jeux Olympiques. Hein? Ouais, non. Mais ça dépend. Je sais pas, c'est non. Ça dépend. Moi, j'aime gagner ma médaille d'or, donc la fin. Ouais, c'est ça. Bravo, champion. Mais non. Non, mais écoute, je te dis ça, après, si t'as pas deux solutions, t'as envie que ça change et tu fais ce qu'il faut, ou sinon tu subis, hein. Tu choisis. Moi, je crois que je vais subir. Hein. Ah oui, soit tu subis, soit tu lui parles, soit tu la quittes. Moi, je pense que le déséquilibre dans un couple comme ça finit lorsque le sentiment amoureux s'émousse, finalement par être... Ça s'estompe après. Ben oui, non, ce qui risque de s'estomper, c'est votre relation, oui. Moi, franchement, j'aime bien me faire dominer de temps en temps, et puis après que ça s'inverse. Alice, toi, tu domines dans ton couple? Ça m'arrive.

des gens comme moi. Voyager. Avec Doc, Karel et Alice. Et vous êtes vraiment formidable, hein. On reçoit plein de messages pendant l'émission sur le Twitter, le Facebook, le Snapchat aussi, qui fait un gros carton Snapchat de Love in Fun. Si vous voulez nous ajouter, c'est Love in Fun Radio, tout attaché. Je salue Alexis Boudruche qui nous envoie un petit snap de lui avec une tête de chien, bien sûr. Un Clarabella qui nous regarde là en ce moment sur le live, funradio.fr. Jibrichou qui dit on bascule sur Love in Fun avant de taffer les cours de médecine. Hashtag motivation. Paleux qui nous envoie une photo de son ordinateur qui était connecté actuellement sur un site pornographique. Bien sûr, on embrasse tous ceux qui se masturbent en ce moment. Hein. Et où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes tous les bienvenus en tout cas ici sur Fun Radio. Venez faire de la libre antenne avec nous. On va tout de suite accueillir notre auditeur en direct d'un internat. C'est la question de l'internat. Vivian, 16 ans, de l'internat Clément Ader à Saint-Martin, dans le Gers, tu es là? Oui, on est là. Salut. Bonsoir, Vivian. Salut toute l'équipe. Ça va, Vivian? Ah, ils sont là, les copains. Oh, putain, ils sont nombreux en plus. Hein. Ça gueule. Sature le téléphone. Ça gueule partout. Vous allez vous faire engueuler à cause de nous, là, hein, je te le dis. Hein. Ah, c'est fort possible, oui. Mais bon, vous êtes des rebelles à Saint-Martin dans le Gers. Hein. Ben, genre là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, dis-leur qu'ils font pas beaucoup de bruit pour 9 personnes. Ils sont plus que nous, hein. Ils ont dit qu'on faisait pas beaucoup de bruit. On recommence, alors. Allez. Ah, ben tu vois, il y a la CPE qui vient de rentrer. Ah, voilà, super. Alors, Vivian, dépêche-toi vite de nous poser la question de l'internat ce soir. C'est quoi votre question, les gars? C'est savoir si la branlette, ça rend sourd. Ah, oui, non, mais c'est vrai, on le dit souvent, ça, Doc. Tu nous entends, Doc? Allô? Oui, je vous entends. Ah, il nous entend. Non. Non, bah merci. Ça ne rend pas sourd. Non, mais ça vient d'où cette expression la branlette, ça rend sourd? Parce qu'il s'agissait de culpabiliser tous les adolescents et adolescentes qui prenaient du plaisir auto-érotique, on va dire les choses comme ça. Donc voilà, il fallait utiliser ses organes génitaux pour la reproduction et dans le cadre d'une relation. La masturbation a été considérée comme un péché à un moment donné. Voilà, ah ouais, putain, c'est dingue. Parce alors que ça rend sourd, ça rend ceci, ça rend cela. Oui. Ouais, parce que les gars, vous masturbez régulièrement à l'internat avant d'aller vous coucher? À l'internat, strictement pas. Ah oui, vous n'avez pas le droit? Ah non, mais si, on a le droit, mais non, dans les chambres, moi personnellement, dans ma chambre, non, c'est interdit. Alors du coup, vous le faites dans les douches? C'est pas cool, ça. Ah non, mais nulle part. Bah attends, à un moment donné, les gars, vous allez pas me faire croire, là, vous êtes neuf, que vous êtes jamais masturbé à l'internat, quoi. Ah ben, personnellement, on est trois dans la chambre, il y en a aucun qui se branle le soir. Eh ben, méfie-toi quand tu dors, mon pote, hein. À mon avis, il y en a qui se font plaisir. Ça, c'est leur problème, après, c'est notre chambre. Je pense qu'il y a tous les garçons ne se masturbent pas tous les soirs, bien au contraire. Ah non, mais bien sûr, mais la plupart... Non, mais c'est vrai, chacun fait ce qu'il veut avec son zboub, hein. Ça, c'est sûr. Hein. On vous remercie beaucoup, les potos, et vous voulez passer un petit message, une petite dédicace, là, Vivian? Vas-y, profite. Hein. Oh ben, on va faire une dédicace à tout le lycée de Clément Ader à Saint-Martin, je pense. Eh ben ça marche. Eh ben merci. Je peux réussir à gratter un paquet. Bah non, vous grattez les capotes qu'on vous envoie à l'internat, hein, d'accord? Ah mais non, on n'en a pas. Eh ben justement, on vous envoie, les gars. Allez, eh ben tu raccroches pas. Allez, ça marche. Allez, salut Vivian, salut les potos de l'internat. Et Caroline nous rejoint. Attention, Caroline est une dominatrice. Bonsoir, maîtresse Caroline. Bonsoir, bienvenue. Maîtresse Caroline, j'ai été très bien. Mais attends, c'est pas, tu m'as dit que c'est pas du SM. Non, je sais, non, bon. Je m'amuse, la doc. On peut rigoler ou pas? Hein? Le SM, moi, ça me fait pas rire. Moi, je t'aimes bien ça, toi? J'ai été vilain, je crois que je mérite une bonne vieille fessée. Ah, tu essaies de l'allumer. C'est pas j'ai été vilain, c'est j'ai été très vilaine. Caroline, tu aimes dominer les hommes, toi? Oui, j'aime beaucoup. D'accord, sans être dans le SM, comme nous dit Doc, hein, c'est ça, hein? Alors, dans le SM, plus ou moins, ouais, exactement. Quand même. Ah, c'est-à-dire, vas-y, raconte, qu'est-ce que tu fais, toi, à tes hommes?